avis. Il essayait de chanter, non? Il essayait de chanter, on vérifie. Mich Mich, on t'écoute. C'est Alizé. Alizé, eh ben ça fait 200 euros pour Mich Mich. Il a attaqué Mich Mich, j'adore. Eh ben oui, c'est une bonne réponse. Génial. Il était magnifique ce Mich Mich. Vraiment, j'adore. Dommage qu'il soit pas resté un peu plus longtemps. Hier, on a fait le jeu des 7 questions de la mort qui tue avec un fufou. Il s'appelle Alexandre et il est militaire. À ton avis, quand on a appris qu'il était militaire, qu'est-ce qu'on a fait? On a chanté comme des militaires ou on a fait des pompes? Vous avez fait des pompes? On vérifie. Et ben tu repars avec du cadeau, 4 places de ciné, la compile énergie ou alors l'enceinte Bluetooth, toi te plouf, qu'est-ce qui te ferait plaisir? L'enceinte Bluetooth. Hein. L'enceinte Bluetooth, t'es pas content, on va chercher toi. Ouais. Tu vas mettre ça avec la caserne. Bah oui, pour écouter le 6-9. Voilà. Le matin, j'écoute le 6-9. Le matin, j'écoute le 6-9. Tous les matins sur énergie. Tous les matins sur énergie. Eh ben non, malheureusement, c'était pas. On a fait des pompes, on a chanté comme des militaires. Mathieu, t'as bien regardé l'équipe. Ça aurait été bien, hein, faire des pompes. Ça nous aurait fait du bien, c'est ça que tu veux dire. Ah, c'était génial quand même, ça te chantait en mode militaire, j'ai adoré. Le mercredi, 6h35, c'est le moment des défis du 6-9. Ce mercredi, Tiffany a dû appeler une boulangerie, mais elle l'a fait en chantant. Alors à ton avis, que s'est-il passé au téléphone avec cette boulangerie? Est-ce que le mec s'est énervé, il a raccroché au dé Tiffany? Ou est-ce qu'au contraire, la personne a pris la commande et a chanté avec Tiffany? Mais non, évidemment, il a chanté. Évidemment, il a chanté, on vérifie. J'aimerais commander une quinzaine de pains au chocolat. La la la la la la la la la la. À quel nom, madame? Tiffany et vous appelez comment? Hannibal. Comment? Hannibal. Hannibal babab. Hannibal babab. C'était mythique, hein. Oh là là là là, magique Tiffany, magique. On peut d'ailleurs faire un coucou à Hannibal du chant du pain. Hein. Bisous à toi Hannibal. Eh bien, il me semble que c'est une bonne réponse. Ce qui nous fait donc un 2 sur 3 ce matin. Pour toi mon cher Mathieu, eh ben c'est gagné, bravo. Wow, super. Bah ouais, pas mal, attends. Cadeau pour toi ce matin Mathieu, qu'est-ce qui te ferait plaisir? L'enceinte de toutes les 4 places de ciné ou alors notre dernière compil énergie? Bah, je vais prendre les 4 places de ciné. 4 places raison. De ciné, ouais. Ouais, c'est sympa, il y a un chouette film là, en plus qui est sorti là. Avec Lady Gaga? Avec Lady Gaga, ma femme me tatane pour qu'on aille le voir. Mais je sais pas. Lady Gaga, je. Non, t'aimes bien Lady Gaga en plus, vas-y. c'était une boutade. Ok. On t'envoie ça à la maison Mathieu et va voir le film que tu veux. Te fais pas avoir. Merci à vous. Belle journée Mathieu, à bientôt. Bisous, Mathieu. Salut Mathieu. Belle journée à vous aussi. Ciao ciao. Ciao ciao. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast, audio et vidéo sur énergie.be. Pas tarder de pas plier. Non, faut pas plier. Oh non, faut pas plier. Je sais, faut pas oublier. Oh, oh, oh. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Oh, oh, oh. My brother, my sister, même si c'est pas easy. Oh, oh, oh. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas plier. Ne laisse pas tomber. Oh non, ne laisse pas tomber. Même si dans la vie les choses sont dures et c'est la détresse. Si la crise progresse, c'est qu'on laisse les mauvais gouverner. Tu dois faire les bons choix. Le Saint-Père fera le reste. Même si t'as pas beaucoup de money, pas besoin de Lamborghini. Laisse ceux qui ont besoin de ça la vie pour pouvoir exister. Quant à toi ma jolie, les femmes sont fortes aujourd'hui. Si tu tombes, tu te relèves again. Tu réessayes again, again and again and again. Faut pas oublier. Oh, oh, oh. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Oh, oh, oh. My brother, my sister, même si c'est pas easy. Oh, oh, oh. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas plier, plier, plier, plier. Pour défouler, il faut danser. Si plus rien ne va dans ta vie, tout simplement, faut écouter. rester. Oublie tes problèmes et viens donc me follow. Why? C'est si easy, c'est si easy. Même si t'as pas beaucoup de money, t'as besoin de l'amour qui nuit. Laisse ce qu'on besoin de ça l'ami pour pouvoir exister. Et quant à toi ma jolie, les femmes sont fortes aujourd'hui. Si tu tombes, tu te relèves again. Tu réessayes again, again and again and again. Faut pas oublier. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Oh, oh, oh, ma brother, ma sister, même si c'est pas easy. Oh, oh, oh, restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas oublier. Essayez, et tout story missé. This music in Obi today. Et team be the start like play play. For France, we don't they throw away. So make una seriously. Die for my business, yeah. I make we they try to they rejoice, yeah. Why? Cause it no easy, yeah. It no easy, yeah. Even if you no get money, yeah. They jolly they shake body. Cause the way you they vex, they complain, yeah. If you no be God, way, yeah. Now zombie be dead body, yeah. Nobody be no baby, yeah. And when you fall, you go stand up again, yeah. You try them again, again and again and again. Cause it no easy, yeah. For Peter and Paul, I'm a distant, you know, easy, yeah. Oh, oh, oh, my brother, my sister, now for Paris, we yeah. Oh, oh, oh, if we could do a bad thing, yeah, make we the tango, yeah. Baba God, now your hand work, yeah. Yeah, yeah. Faut pas oublier. Oh, oh, oh, restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Oh, oh, oh, my brother, my sister, même si c'est pas easy, yeah. Oh, oh, oh, restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Avec la carte Cora, 21% de remise sur un jouet au choix. Et comme il y en a 3600, vous avez vraiment le choix. Des prix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Conditions en magasin. Énergie. Nouvelle semaine qui démarre à nouveau lundi 22 octobre. Le 6-9 est là. Bonjour. Bonjour. Dernière semaine avant les vacances. Elle va être bien celle-là. Elle va bien passer. Elle va bien me plaire cette semaine. Je vais t'aimer cette semaine. Chaque jour, je vais te chérir. Et alors, vendredi, je vais te kiffer. Mais alors, comme j'arrive pas. Toute l'équipe est là au taquet avec les fifous du matin. Il y a Tiffany au standard. Bonjour. Bonjour, bonjour. Il y a Aurélie de la Redac qui est là. Bonjour. Il y a Jérém. Hello. Il y a Frisco. Bonjour tout le monde. Bonjour Marco. Et il y a la météo. Un retour des nuages, hein, quand même. Un peu de pluie aujourd'hui, mais ça ne devrait pas durer. Hein. On aura un temps plus sec dans le courant de la journée, avec quand même des nuages, des éclaircies et entre 9 et 15 degrés. Voilà, voilà. Hey, super, merci. Bienvenue l'hiver. Non, mais c'est vrai, là, j'ai regardé, j'ai voulu réserver des vacances pour la semaine prochaine, mais il fait beau nulle part. Ah. Enfin, si, il faut partir à Dubaï ou je sais pas où, quoi. Bah ouais. Oui, bah je fais le 6-9. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. Bonne matinée avec nous, bon réveil, 6h04 sur Énergie. David Guetta dans un instant. Don't you ever leave me. Ce matin, pour bien démarrer la semaine, c'est lundi, on démarre fort, on démarre avec les blagues du 6-9, c'est le retour. C'est les blagues, c'est les blagues, c'est les blagues du 6-9. comme ça de temps en temps. On s'amuse, on se détend. C'est les blagues du 6-9. Blagues du 6-9. Et pour démarrer. Tu sais, ça devient normal. Ouais, c'est ça. Est-ce que Tiffany nous a fait ça en 4 exemplaires? Ah non, non, en un seul exemplaire, pour une fois, pour changer. Oh, hein. Bah, écoute. Ah, c'est bien. Ah, bah, ouais. Ça fait plaisir. Bah voilà. Qu'est-ce qu'un steak qui n'en est pas un? Un steak qui n'en est pas un. C'est pas. Il y avait toujours la blague du steak haché, mais non. Ouais, non. Non. Une carotte. Non. Une pastèque. Pastèque. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Il y avait ça. Il y avait ça. Formidable. Heureusement que c'est en un seul exemplaire. Jérém. Eh bien, moi, c'est l'histoire de deux petites vieilles qui se croisent dans la rue. Et puis alors, t'en as une qui dit « Oh, comment tu vas, Monique ?» Et puis Monique dit « Oh, j'ai pas de morale, tu sais, je viens de perdre mon mari. »« Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Eh bien, je l'ai envoyé dans le jardin pour aller chercher des carottes et des poireaux pour faire une soupe. Et là, il a été pris d'une crise cardiaque et il est mort sur le coup. » Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait alors? Bah, j'ai fait des pâtes, hein. C'est con, cool, moi, ce week-end, ma mère m'a fait plein de blagues et je m'en rappelle plus. C'est vrai? Ah ouais, non. T'en as pas retenu une? Il y en a une, si. Ah si, j'en ai retenu une. Mais je peux nul. Pas vous la dire. Oh, les... Ah non, ah, non. Il est trop tôt. Et, bon, c'est même pas une question d'heure, là, c'est une question de... De décence. De vie ou de mort. De C4. C'est ça. Frisco. Alors, à la piscine, un nageur se fait enguirlander parce qu'il fait pipi dans l'eau. Et donc, il répond au mec qui est en train de l'engueuler. Mais enfin, vous exagérez, je suis pas le seul à le faire. Et il y a le responsable qui fait « Si, monsieur, du haut du plongeoir, vous êtes le seul. » J'ai jamais raconté des blagues. Mais c'est surtout, qu'on n'entend pas du tout que tu lis la blague. Mais non, absolument pas. Mais à la lecture, elle est bien. Quel jeu d'acteur. Ah oui, t'as de surprenant. C'est... Hollywood t'attend. Ouais. Mais je sais. Oh, là, c'est même Bollywood. Hein. Mais avec le physique, il y a peut-être moyen de... de performer à Bollywood, ouais. Mon Frisco. Qui sait, on a l'iPhone XR à vous offrir cette semaine. La prochaine fois, on va laisser Siri raconter des blagues, je le dis. Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day, we didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. I don't wanna call and you not answer, never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. 'Cause I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know. Don't you ever leave me. Jordi sur Énergie. Bon lundi avec nous, Clara Luciani qui va arriver dans un instant. On a du cadeau pour vous. On vous offre le tout nouveau bijou. Bijou de technologie, c'est l'iPhone XR à choper. Vous gagnez l'iPhone XR avant tout le monde grâce à Énergie. Waouh! Le mec est anglais quoi. X c'est 10 quoi, mais on dira XR nous. Nouvel iPhone XR, c'est Orange et Énergie qui régalent cette semaine. On vous offre ça, c'est le tout nouveau. Il sort vendredi en Belgique, vous l'aurez avant tout le monde puisque vendredi, Orange va venir dans les studios entre 6h et 9h. C'est les magasins ouvrent à 9h, donc mathématiquement, vous l'aurez avant tout le monde. Excellent. Avant tout le monde, si vous voulez gagner ça, c'est simple, vous envoyez phone par SMS au 78, donc le mot code phone tout simplement au 6018, c'est 1€ le message envoyé et reçu. Et donc on vous offre ça, l'iPhone XR offert par Énergie Orange, vous l'aurez vendredi dans vos mains, il est terrifiant. Ouais, il y a un tout nouvel écran. Il est magnifique. Liquid Retina. C'est ça ? Ouais, c'est le LCD le plus avancé, enfin il n'y a pas mieux au niveau du LCD. Eh ben faites-vous plaisir, c'est pour vous ce matin pour même pas 2€. Phone par SMS au 6018 pour vous inscrire. Bonne chance à vous, on appellera le gagnant à 9h et il y aura un iPhone comme ça qui va tomber tous les jours. Et vendredi, vous viendrez ici dans l'émission publique. Et Orange vous offrira l'XR pour chez vous. Ah ouais, avant tout. Vraiment bien. Attendez, oh, et qui c'est qui vous régale ça à part Énergie? C'est Énergie. Ça me fait éternuer, tu vois. Ah bah, incroyable. Phone par SMS au 78, bonne chance. C'est le 6-9. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. I guess you look happier, you do. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit music only. Nous étions en famille, confortablement installés pour regarder la télé. Mais au moment de sauver la chaudière, l'atmosphère était devenue chaudière. Un problème de chaudière peut gâcher vos bons moments. Pour vous garder au chaud cet hiver, Luminus installe votre nouvelle chaudière. Calculez votre devis sur luminus.be/chaleur. Vous avez une cabane de jardin ? Dans ce cas, vous êtes probablement l'heureux propriétaire d'une brouette cassée, d'un vieux skateboard ou d'un ballon de foot tout crevé. Oui, l'euro propriétaire. Parce que jusqu'au 31 octobre inclus lors des German Days Opel, à l'achat de votre nouvel Opel Corsa ou Astra, vous recevez une prime de reprise de 2 500 € pour tout ce qui roule. Bref, une petite recherche dans votre cabane peut vous faire profiter bientôt d'une voiture allemande de très grande classe. Rendez-vous vite dans votre showroom Opel. Si la curiosité n'existait pas, vous n'auriez jamais été tenté de tout acheter à la Fnac. Oh, il paraît que ce bouquin est génial. Et l'enceinte Bluetooth, là, le son est dingue. Et ça, le design est top, j'adore. Et sans curiosité, vous n'auriez jamais profité de tous ces achats avec des réductions allant jusqu'à 30% pendant les jours Fnac. Fnac, libérez votre curiosité. Offre soumise à condition. Alors, on cuisine, fiston ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais de bon ? Un croque-monsieur au fromage de Herve. Quoi ? Du Herve dans un croque-monsieur? Non mais vous les jeunes, vous respectez rien, c'est pas possible. Papa, hein, goûte-moi ça. Quoi? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Waouh, oh, c'est pas mal ce craque-monsieur au Herve. On dit croque-monsieur. Non, moi quand il y a du Herve, je croque pas, je craque. Le fromage de Herve, carrément incontournable. Savourez d'autres recettes sur hervesociété.be. Pour Hans Sanders, les prix abordables, c'est essentiel. Mais que font les autres avec tout l'argent qu'ils vous demandent? Si ça tombe, ils feront intervertir les mots avec et sans dans le dictionnaire. Et quand vous demanderez un curry sans noix de cajou, on vous le servira avec, alors que vous êtes allergique. Votre tête doublera de volume et vous devrez acheter de nouvelles lunettes. Quoi? J'exagère? Bon, peut-être. Mais vous prendriez le risque? Alors que chez Hans Sanders, on vous offre les verres gratuits à l'achat de vos montures. Plus d'infos sur hanssanders.be. Hans Sanders, l'opticien pas comme les autres. Dans un instant, c'est Clara Luciani qui arrive sur Énergie. Un petit point sur les routes ce matin, Aurélie. Un accident s'est produit sur le 40 à hauteur de Tirlemont, direction de Bruxelles. Les bandes de gauche et du milieu sont bloquées. Soyez prudents. T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville bafarde. tu t'imagines. Je suis aussi vorace, aussi vivante que toi. Sais-tu que là sous ma poitrine une rage sommeille que tu ne soupçonnes. Et Boosty sur Énergie. Où suis-je ? Où suis-je ? Vous êtes dans les quatre royaumes, princesse Clara. Casse-Noisette et les quatre royaumes, au ciné avec Énergie. Ça sort le 31 octobre. Casse-Noisette et les quatre royaumes, c'est le nouveau Disney qui sort avec Énergie. On a des places pour vous. Et alors, c'est génial, puisque cette semaine, toute la semaine, on va réaliser des défis par rapport à ce nouveau film. Ouais, on va casser des noisettes. On va réaliser pas mal de défis cette semaine à partir de demain. Tous les jours, un petit défi en rapport avec le film et les quatre royaumes notamment. Puisqu'il y a un royaume de neige, un royaume de fleurs, un royaume de sucreries. C'est pour nous celui-là. Ouais. Je me le réserve celui-là, hein. Je sais pas vous. Mais... Casse-Noisette et les quatre royaumes au ciné avec Énergie. Si vous voulez aller voir le film, on va vous offrir vos places toute la semaine à partir de demain. Vous pourrez gagner vos places pour aller voir le film. Et ça sera à gagner sur notre groupe Facebook, les Fifous, ouais, du 6-9 sur Énergie. Et d'ailleurs, on a dépassé les 4000. Hein. Vous pouvez continuer à venir. Hein. Venez les copains, c'est un super film avec Morgan Freeman, Helen Mirren, j'aime bien cette actrice. Ah ouais, elle est bien celle-là. Keira Knightley aussi, et voilà, et Mackenzie Foy. Celle qui joue le rôle principal, quoi. C'est le nouveau Disney à voir Casse-Noisette et les quatre royaumes. J'aime bien cette musique. Vous vous souvenez? Ouais. Avec les petits jouets, tout ça. Elle me fait un peu peur, moi. C'est le retour des films. J'adore, ils sont au taquet, Disney, en ce moment. Ils font tous les films. C'est le même réalisateur qui a fait La Belle et la Bête, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et Le Livre de la Jungle. Ouais, donc. Ça s'attend terrible. Enfin, ça s'annonce bien. Ça se dit pas ce que je viens de dire. Ça va être terrible. Casse-Noisette et les quatre royaumes à gagner grâce à Énergie. Vous allez rejoindre notre page, notre groupe Facebook maintenant, les Fifous du 6-9 sur Énergie. On vous offre ça toute cette semaine. Découvre le mystère caché derrière la légende. Casse-Noisette et les quatre royaumes, le 31 octobre au cinéma. C'est le 6-9. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. tu rêvais de partir. Un peu comme si l'ambiance n'était plus de la partie. Irrésistible, envie de te parler, t'influencer sur la suite du programme de la soirée. Je sais qu'au fond, tu te sens libre au bout du compte. Tu te sens seul la nuit dans la ville. On se sent vivre, tes fossettes se creusent quand tu te mets à rire. Tous ces moments passés, j'ai voulu te prouver que tu étais ma princesse. Tu ne voudras plus te passer de moi, tu aimes t'en m'enlacer. Tu n'en auras jamais assez, je le sais car je te connais. Quand on a le temps, on s'aime sur un banc à l'abri des passants. Quand la nuit tombe, tu me dis va-t'en. Quelle idée de la considérer, je suis qu'un passe-temps. Chaque fois que je te vois, j'ai cette envie de voyager. La tête dans les nuages, suis heureux où que j'aille. You can feel the rain, walk with no makeup. You can feel the pain. Hello, aloha. Tu veux le monde dans la paume de tes mains. Tu viens d'avoir ton cœur serré contre le mien. Si je te plais, pourquoi couper les liens? On se manquera mutuellement, je contrôle rien. Éperdument amoureux de ses lèvres si savoureux, je ne pourrais pas l'avouer si elle me voit comme un jouet. Pourtant je vois la joie dans ses yeux chaque fois qu'on s'aime. Chaque fois qu'on a choisi le calme à la fête. Chaque fois qu'on a choisi le calme à la fête. Chaque fois que je te vois, j'ai cette envie de voyager. La tête dans les nuages, suis heureux où que j'aille. You can feel the rain, walk with no makeup. You can feel the pain. Tu m'aimes sur un banc à l'abri des passants. Sache que je suis patient. Tes yeux ne mentent pas, je sais que tu m'attends. Quand tu as le temps, tu m'aimes sur un banc à l'abri des passants. Sache que je suis patient. Tes yeux ne mentent pas, je sais que tu m'attends. Sur énergie, Dino Roy à suivre. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, vous avez bien profité du week-end. C'est la dernière semaine avant les vacances. Vendredi, ouais. Ça y est, c'est officiel. On sera en vacances tous et toutes, enfin tous et toutes. Les enfants et nous, sommes encore des grands enfants. Évidemment. Au final. Dans un petit instant, on revient avec notre week-end en trois mots, les copains. C'est pour ça que je vous demandais si vous avez passé un bon week-end. Vous pouvez nous en parler de votre week-end. Mais alors, en trois mots seulement. Vous envoyez ça au 3018 par SMS. C'est 25 centimes le message. Votre week-end en trois mots. Toute l'équipe fera la même chose dans un instant. On est censé comprendre normalement le week-end en trois mots. Des fois, ça a besoin d'un peu plus d'explications. On fait souvent. Ça dans un instant avec tout. Oui, c'est souvent même. Ouais. Week-end en trois mots. On a de l'iPhone XR aussi ce matin. Donc, restez bien branchés. On vous explique comment gagner tout ça. Et puis, restez là, puisque tout à l'heure, j'ai une news aussi. Je suis retombé dessus ce week-end. On a interdit quelque chose en Belgique. On a très, très, très, très bien fait. On va faire la même chose ce matin. On va interdire beaucoup de choses aussi, nous. On lancera un hashtag tout à l'heure. Tu fais flipper. Oui, oui, je sais. Ma femme me le dit souvent. Mais non, non, mais pas dans ce genre-là. Non, pas dans ce sens-là. Dans quel sens alors? Je sais pas, j'ai peur maintenant que je te l'ai dit que tu me défonces. Il est fou ce mec. Dino, ça arrive sur énergie. Everything you say, every time you swear, every word you speak, every time reminds me. Me. Of that Monday night when the streets were cold and the lights were dead and you wanted to let go. I need a final way to say I never meant to spin out of control. You're tired of staying up all night. Stop trying to find a way to get back home. You don't need to. goûter notre nouvelle lasagne. Élue par vous, la meilleure de Belgique. Quoi de mieux que comme et à casa, à part... La nouvelle lasagne bolognaise à casa. Votre week-end en trois mots dans un instant sur Énergie, 6h29. On fait un point sur la météo. Alors aujourd'hui, on aura pas mal de nuages avec une zone de pluie qui va traverser le pays. Ça ne va pas durer, hein, puisque le temps sec reviendra dans le courant de la journée. On aura une alternance entre nuages et éclaircies. Côté température, un peu frisqué, entre 9 et 15 degrés. 6h30, on s'informe l'actu de ce lundi 22 octobre. Et c'est Aurélie Adam pour nous informer. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. La réforme de l'accueil des enfants est bouclée. La ministre Alda Gréoli la présentera au gouvernement avant la fin du mois. Cette réforme, elle prévoit d'investir 48 millions d'euros pour la création de 2000 nouvelles places. La moitié sera réservée aux provinces de Liège et du Hainaut, les provinces les plus touchées par le manque de places. Autre nouveauté, toutes les accueillantes d'enfants auront un statut d'employé d'ici 2025. Et puis concernant les tarifs des crèches, elles seront plus accessibles aux bas revenus. Enfin, à partir du mois de janvier, un site internet de l'ONE verra le jour, un site qui permettra aux parents de savoir quelles sont les crèches qui ont des places disponibles. À l'étranger, près d'un mois après le séisme et le tsunami survenu en Indonésie, un dernier bilan vient d'être publié. On parle à présent de 2256 morts et 2309 disparus. Plus de 223 000 personnes ont été déplacées, des personnes qui occupent à présent des logements temporaires mis à disposition par le gouvernement. On passe au sport. En football, on disputait la 11e journée de championnat ce week-end. Hier, Anderlecht s'est imposé 4-2 face au Cercle de Bruges. Victoire aussi de Charleroi, 3-2 face à Zulte Waregem. De son côté, la Gantoise a battu au Stand 0-4. Au général, Genk est en tête devant Bruges et Anderlecht. Et enfin, en Formule 1, le Finlandais Raikkonen a remporté le Grand Prix des États-Unis hier. Il a fini devant le Néerlandais Verstappen et le Britannique Hamilton. Le Britannique qui va devoir attendre au moins une semaine pour décrocher son 5e titre de champion du monde. La Belgique, c'est l'atomium, le Manuk & Peace, le chocolat, la frite, la fricadelle. Et le 6-9 sur Énergie. Ah, tu vois, ça Richard, je l'aurais plutôt mis avec la pluie, les embouteillages, le gouvernement, ces choses-là, quoi. C'est le 6h31 sur Énergie, bonjour. Bonjour. C'est lundi, dernier lundi avant les vacances, les copains. Ah là là là là, vous allez pas bouder votre plaisir en fin de semaine, je le sais déjà. Ah bon ? Et nous non plus, je te le dis. Et non, ce vendredi va être sacré. Je sais pas ce qu'on va faire au vendredi, je vais l'embrasser. Je t'aime vendredi d'avance. Dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. Bon réveil avec énergie, 6h34, Dimitri Vegas, c'est Like Mike. Dans un instant sur énergie. Bon lundi tout le monde, on espère que tout va bien ce matin. Le 6-9 et là, les fifous du matin sont là. Et on va parler de notre week-end qui est passé très très rapidement. C'est le concept du week-end, hein. Tu remarqueras, un week-end qui passe lentement. Ce n'est pas un week-end. Oh aussi, ou alors c'est un week-end mais chez tante Francine ou je sais pas où. C'était bien... C'est bien chiant. Bien ennuyé. On parle de notre week-end dans trois mots. Vous pouvez faire la même chose, on lit vos week-ends aussi également. Vous envoyez ça au 30-18 par SMS, c'est 25 centimes le message. Un petit tour de l'équipe aussi quand même, savoir comment s'est passé votre week-end. Jérém, ton week-end en trois mots. Alors, mon week-end en trois mots, je dirais jeu, riche, réflexion. Jeu, riche, réflexion. Ouais. Le mec a joué, il a gagné et maintenant il va s'acheter une PS4. c'est presque ça. J'ai été voir Jeu au cinéma. J'ai adoré le film. C'est avec Lady Gaga, non, c'est pas ça? Non, Jeu, c'est avec, le film français où ils mettent tous leur téléphone sur la table. Stéphane De Groot, Emmanuel Béard et tout. Ah oui, ils okay. sont obligés de lire ou répondre au téléphone devant tout le monde. Ouais. C'est juste génial. Riche parce que j'ai trouvé 10 euros par terre. Et réflexion parce qu'effectivement j'ai envie d'acheter une PlayStation. J'ai fait une offre et je me dis que je peux faire une offre de 10 euros en plus si jamais le mec il refuse. voilà. Ou t'acheter un jeu. Oui, c'est ça. D'occasion. Ouais, 10 euros. Ouais, ah, d'occasion. Ouais, ouais, une quatrième main ou une cinquième main, il y a moyen. Mais pour ça, il faut avoir la PlayStation, je ne l'ai pas encore. Frisco, ton week-end en trois mots. Alors, rire, psychose et honte. Psychose. Ouais, psychose parce que comme Jérém, j'étais voir jeu et ça te rend psychopathe ce film. Ah ouais, oui, ça te rend psychopathe. Je croyais que c'était comique. Oui, mais non, c'est drôle. C'est comique, mais t'as l'impression que tout le monde te trompe dans ce film. T'as l'impression que tu deviens psychopathe. Même le film, il te trompe toi-même. T'es dans la salle C'est la vie, quoi. Ouais. Voilà, c'est, en gros, c'est ça. Au final. Rire parce que on a été voir PE vendredi, c'était excellent. On a passé un super bon moment. On a éclaté. Il fait le poussin, la poule, les gars. J'ai jamais vu un mec faire aussi bien la poule. Clairement. Ah ouais, non, mais de ouf. C'était magnifique. Et honte parce que hier je suis sorti faire des courses en short et j'avais oublié que je m'étais rasé un truc de jambe. Et donc les gens me regardaient, en fait j'avais une bande sans poils. Et je m'en suis rendu compte après, donc j'ai eu honte. On rappelle qu'à la spéciale fille, on s'était habillé en fille et Frisco avait perdu un quiz sur vous mesdames. Voilà, il s'est fait épiler une jambe. Je suis toujours aussi doux. Il y a un bout de jambe, ça va. Ouais, mais je suis toujours aussi doux. Ça repousse pas ? C'est vrai ? Non. C'est dingue. Ah, tu vas voir, ça va être très long. Dans 3 mois, tu es encore. Regarde. Waouh. Waouh. Bien. Ça me donne envie de m'épiler. À ta place, j'aurais fait toute la jambe quand même. Comme un sportif. Ouais, il y avait le début du sport au moins dans ta vie. Ouais, comme ça j'aurais pu faire croire en fait qu'ils étaient sportifs. Puis ils auraient regardé mon ventre, ils auraient fait non, c'est pas possible. Faites quoi, monsieur ? Je suis cycliste. Ça se voit pas ou quoi ? Je fais du cyclisme en tandem. Voilà, exactement. Tiffany du Standard, ton week-end en trois mots. Concert, cuisine et découverte. Concert ? Ouais, j'ai été voir les Vaccines samedi soir et je connaissais pas, c'était un groupe anglais. Et puis, cuisine et découverte, ça va te perdre, hein, je trouve. Faut être malade pour aller voir les Vaccines ou comment ça se passe ? Tu rentres, t'es vacciné direct. Voilà. Voilà. La cagnotte. La cagnotte, oui, j'y pensais. Elle justement. Est nulle, hein. Pour qui ? Oh, la blague de Frisco. Mais quoi, c'est lui qui m'a lancé. On va mettre 2,50€ chacun. Rien du tout, je te soutiens, mon copain. Merci. Et donc, c'est quoi les deux autres ? Cuisine et découverte. Ah ! Donc, dans les deux cas. La découverte à cuisine. Découvert le concert et découvert que je savais cuisiner du canard. Ouh ! T'as cuisiné du canard ? Ouais. Oh, félicitations. Ouais. Et c'est bon ? Pour une première. Bof. Tu l'avais coiffé au moins ? Tu l'avais laqué au moins ? Ouais. Non. Ok. Aurélie de la Rédac. Moi, ça va être mamounette, shopping et toboggan. Mamounette ? C'est qui mamounette ? Ah, ta maman ! C'est ma mamounette ! Oh, mamounette ! Mamounette ! Et tu l'as amenée au toboggan en faisant ton shopping ou... C'est presque ça. Donc, elle est venue chez moi. Mamounette ? Mamounette ? Ouais, parce qu'elle est une nette près, c'est maminette, donc c'est pour ça que tu dis ça. Mou. Mounette. Donc, on a été faire un peu de shopping et puis on a terminé dans une célèbre enseigne de fast-food avec ma petite. Et il y a une sale gamine qui l'a poussée dans le toboggan. Ah, honte à elle. Eh ben, je l'ai attendue. devant le toboggan, elle a jamais osé descendre. C'est vrai? Aurélie, ouais. Tu fais flipper. Toi, Aurélie, la terreur. Elle a fait Halloween avant Halloween au quick, ouais, tu vois. Bah, ma petite, elle pleurait, j'allais pas la laisser comme ça. Descends non, du toboggan. Descends si t'es un homme. Et pourquoi t'as pas été la noyée dans la piscine à boules? Oh, dis. Oh, le sadique. Arrête, fais pas semblant, c'est des boules, c'est pas de l'eau. Hein. Bon, des fois, du truc liquide là-dedans. Hein. Non, je suis pas sadique à ce point-là. Oh là là. Et toi, Marco? C'était un week-end étoilé, les copains. Étoilé? Bah oui, je suis allé en France. Les trois F, comme ouais, la fédération. Ça. France, famille et foire. Voilà. T'as été à la foire? Le fête foraine, le Ducasse. Oh, et le Ducasse Picard, attention, hein, c'est quelque chose. Hein. Attrapeuse pompon! La personne qui fait les attractions, ils sont tous au bar. C'est ça les attractions. Hey, GG! Un peu de respect quand même pour la Picardie, s'il vous plaît. Hey, GG, trois à fond. Oh, c'est trop facile, j'ai attrapé la flèche, j'en prends chaque, hein, des affonds. Il parle d'un endroit qu'il n'a jamais été. Mais ouais. Sans déconner. Mais non, c'est chouette, hein, la Picardie. Mais non, monsieur, bien du bien. Oui, forcément, on va pas se mélanger aux pauvres. Dimitri Vegas, sur l'énergie. 6h39, soyez bienvenue dans un instant. Je vous explique comment partir avec votre iPhone XR. Monsieur, il m'a pas attrapé la flèche à la fois. Hein. C'est la flèche qui vient à lui, tu rigoles ou quoi? Quand j'attrape pas la flèche, je paye mon tour. Do them trees, it's true if you believe, you can get anything you want to achieve, and that's worth to everything tatted on my sleeve, it ain't what you see, a G is underneath, I've left plenty positions of feeling comfort, when shit ain't cool, fools run for it, you gon' remember my name when I'm done with it, and when it's said and done, I'll be at the top where the summit is, 10 toes, we the ones who run it. Everything running smooth, there ain't no dysfunction. If we talking money, homie, that's a good discussion. I'm talking motivation with no interruption. When I grow up, I wanna be like Wiz Khalifa. Have lots of cool stuff. When I grow up, hear my music through the speakers. I wanna feel love. When I grow up, I wanna have enough to pay the bills. And buy my mama house upon a hill. I wanna be like Wiz Khalifa. When I grow up, when I grow up. Person, I'ma always give my all, yeah. Haters talking down, they wishing that I fall, yeah. Every time I get a chance, know that I ball, yeah. Anytime I need my game, they right there for me. I go hard, yeah, from the start, yeah. Never tried to rush things, I play my part, yeah. Never said it's easy, they could make things hard, yeah. Every time you see me, look like we performing. I'm a star, yeah, living large, yeah. Look at me like a boss because I paid the cars, yeah. Had to slow it down, I had too many bars, yeah. Now I got the younger kids singing now. Sur Énergie, Martin Garrix. On écoute ça avec Ocean dans un instant. Et là, ce matin, on a du beau cadeau pour vous toute la semaine. On vous offre le tout nouvel iPhone. C'est l'iPhone XR et c'est Orange et Énergie qui vous régale cette semaine. Très beau bijou de technologie. L'appareil photo de dingue qu'ils ont mis dessus, mon ami. Incroyable. Ah oui, oui, oui. Bien. Incroyable. Bientôt, on va faire des films avec des iPhones. Ah oui, ça existe déjà. Ouais, je sais, il y a un truc de court-métrage même de... Ouais. Un festival, je pense. Uniquement avec l'iPhone, quoi. Non, mais génial. Énorme. Et en fait, ils ont aussi, avec le nouvel iPhone XR, il y a le Face ID, là, tu vois, la reconnaissance faciale, ouais. Qui est 15 fois plus rapide, en fait, que sur l'iPhone X, tu vois. Donc à peine tu mets le téléphone devant toi, bam, ça te reconnaît, ça se déverrouille quoi. Et il te parle. Ouais. J'ai reconnu ta tête de con. Va te laver, t'as une sale gueule. Si vous voulez gagner l'iPhone XR ce matin, on vous l'offre avant tout le monde puisqu'il sort vendredi, et vous l'aurez avant tout le monde puisque vendredi Orange vient ici dans notre studio à l'occasion de l'émission publique et ils vous offriront donc l'iPhone. Donc vous l'aurez vendredi. Voilà ce qu'il faut vous dire. Vous jouez avec nous aujourd'hui. Vendredi, il est dans votre poche, le GSM. Vous venez pendant. En plus, ce qui est cool, c'est que vous venez pendant notre émission publique, quoi. Et on a une surprise. On a notre invité. Je vous donnerai ça dans quelques instants. Oh. Hey, iPhone à gagner maintenant. Vous envoyez Phone par SMS au 6018 Phone au 78. C'est 1€ le message envoyé et reçu. Et donc, l'iPhone XR pour chez vous à la maison, offert par Orange et Énergie. Bonne inscription, bonne chance. Et à tout à l'heure, à 9h, on s'appelle, puisqu'il y en a un tous les jours qui tombe quand même. Hein. Donc, faites ça bien. Faites ça bien. Vos stars préférées reviennent toutes à Cannes le 10 novembre pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Ça va à Cannes ! Assistez à la soirée événement. Partez à Cannes, assistez au Energy Music Awards avec la phrase Energy. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Energy Belgique ou sur energy.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Energy. Je veux assister au Energy Music Awards à Cannes. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de gagner vos places pour les Energy Music Awards 2018, le 10 novembre à Cannes. Energy. Hit music only. Unite en Belgique. Ce vendredi 26 octobre, ne ratez pas le retour du Quintet Plus International à l'Hippodrome de Wallonie à l'occasion de la grande finale du Tour Européen. Venez encourager les champions du trot et tenter de décrocher la super cagnotte de plusieurs centaines de milliers d'euros avant vos vacances d'automne. Suspense, originalité et spectacle de magie au rendez-vous de cette soirée belgo-française rythmée par 10 courses. Tous à l'Hippodrome de Wallonie ce vendredi 26 octobre dès 17h30. Hippodrome de Wallonie. Route de Wallonie 31 à Glun. Si la Terre se réchauffe encore, la banquise pourrait fondre. Quoi ? Et alors les pingouins viendront vivre chez nous ? Heureusement, nous n'en arriverons pas là. En choisissant l'énergie verte du soleil et du vent, nous construisons avec Eneco un plus bel avenir. Tant mieux ! Ce pingouin fait trop de bruit ! Maintenant, jusqu'à 200€ de réduction sur eneco.be. Appelez votre fille en vitesse entre deux réunions. Ça vous prendra bien 5 minutes. Oui, ma chérie, c'est moi. T'es bien rentrée ? Comment ça, tu n'es pas à la maison ? Savoir si vous pouvez payer votre assurance auto moins cher ne vous prendra dès maintenant que 5 minutes. Faites le test sur touringassurance.be. L'assurance auto est un produit de Touring Assurance SA. Limites et conditions sur touringassurance.be. Vous avez un garage ? Dans ce cas, il est probablement rempli de vieux objets inutiles. Une roue de vélo tordue, une poussette hors d'usage ou une balle de tennis déchirée. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que jusqu'au 31 octobre inclus lors des German Days Opel, à l'achat de votre nouvel Opel Corsa ou Astra, vous recevez une prime de reprise de 2 500€ pour tout ce qui roule. Une fois que vous serez débarrassé de tous ces objets inutiles, vous pourrez facilement garer dans votre garage votre nouvelle voiture allemande de très grande classe. Rendez-vous vite dans votre showroom Opel. Baze présente les aventures de Data Doggy Bagman. Baze offre jusqu'à 24Go en plus pour tout nouvel abonnement. Et s'ils ne sont pas consommés, ils seront abandonnés à la fin du mois. Pas de soucis. Moi, Data Doggy Bagman, j'emmène tous les datas au mois suivant. Mais comment fait-il pour être aussi fort? Ah, ça c'est mon secret. Oh, il est fort et mystérieux. Avec les abonnements de Baze, j'emmène vos restes de data au mois suivant. En plus, en ce moment, chez Baze, je fais fort jusqu'à 24Go en plus pour tout nouvel abonnement. Conditions sur baze.be. Baze. Carglass répare, Carglass remplace. Vous devez passer le contrôle technique. Et vous voyez cet éclat, là, dans votre pare-brise. Évitez un deuxième passage en le faisant réparer maintenant. Vous économiserez du temps et de l'argent. Appelez-nous gratuitement ou prenez rendez-vous sur carglass.be. Dans un instant, on joue à Maxi Hits avec vous, vous faire découvrir un maximum de hits en moins de 30 secondes. Très drôle ce jeu. On joue à ça juste après Martin Garrix et Rally. Un point sur les routes maintenant, Aurélie. Il y a pas mal de soucis sur le 40 en direction de Bruxelles. Un accident s'est produit à hauteur d'Opélissem. Deux bandes de circulation sont bloquées. On compte au moins 4 km de fil. Autre accident sur le 40 à hauteur de Tirlemont. C'est toujours en direction de la capitale. Les bandes de gauche et du milieu sont bloquées. Attention, si vous circulez sur la nationale 5, on signale des animaux sur la chaussée à hauteur de Florène en direction de Philippeville. Et puis au sud du pays, sur le 411, ajoutez 27 minutes entre Stockhem et Sterpenich. If you're so sick in love, we'll come for you. don't have to question if I'm a aunt where we are. You could put an ocean between our love, love, love. It won't keep us apart. You could build a wall, I would run it up, up, up. Just to get to your heart. Sur Energy, Rihanna, Eminem à suivre. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Le duo Chox arrive sur Energy dans un petit instant. Avant ça, on va jouer avec vous, Maxi Hits. Maintenant, on va jouer, c'est simple, 30 secondes, il faut vous faire deviner un maximum de hits. Et qui vient jouer ce matin? C'est Vanessa qui travaille comme coiffeuse du côté de Mons. Elle a un garçon de 15 ans qui s'appelle Lucas. Et puis elle aime faire du jogging et regarder TPMP. Vanessa, bonjour. Bonjour, salut les filles. Salut. Salut. Oh, ça sort une Vanessa. Bonjour Marco. Bonjour, bonjour Vanessa. C'est une Vanessa au réveil, ça. Ouais, ouais. Sois la bienvenue, ma chérie, ce matin. On va jouer avec toi et essayer de te faire gagner du cadeau. Mais tu vas être en compétition ce matin. Tu ne seras pas seule. Qui va venir affronter Vanessa? Vanessa va jouer contre Ryan, qui travaille comme assistant manager dans un magasin de grande distribution. Il a une petite fille de 2 ans et demi qui s'appelle Lola. Et puis lui aussi, il aime regarder l'émission de TPMP. Décidément, ça leur fait un petit point en commun. Oui, mais ils ont chacun des enfants, donc on va se calmer tout de suite. Non. Ryan, bonjour. Allô, bonjour. Salut. Salut, bienvenue Ryan ce matin, très bien et toi? Ça va, ouais. Ouais, ça va, c'est un lundi quoi. Ryan, Vanessa, on va jouer ce matin à Maxi Hits. Vous allez choisir avec qui vous avez envie de jouer, puisque la personne va devoir vous faire deviner pendant 30 secondes un maximum de hits, un maximum donc de titres, hein, en les chantonnant, en les chantant même carrément, hein, ouais. Pour le coup. On peut y aller. Ça, vous allez voir, c'est pas si évident que ça. Allez, je commence quand même, honneur aux femmes. Vanessa, tu choisis de jouer avec qui? Il y a Tiffany du Standard, il y a Aurélie Dareda, il y a Jérém, il y a Frisco, il y a moi. J'ai joué avec Jérém parce que je l'aime bien. Oh, merci Vanessa. Oh, c'est mignon. Sur ses skis. De quoi? Ah, son tuturo. Avec son tuturo sur ses skis. Ah, t'as kiffé le tuturo sur les skis. Ouais, ça ouais, à mort. Il y a que toi. Moi, j'ai eu un peu froid, je t'avoue. Mais bon. Jérém est avec Vanessa. Et alors, Ryan, tu choisis qui de l'équipe pour jouer avec toi? Bah, toi. Oh, c'est gentil, merci Ryan. Voilà. Merci bien. Nous allons jouer ensemble. 30 secondes. Il faut faire deviner un maximum de hits en 30 secondes. Et donc, on va démarrer avec Vanessa, forcément. Et Jérém, es-tu prêt? Oui, on peut passer si on ne connaît pas? Vanessa, oui. Okay. Vanessa, tu es prête? Oui, je suis prête. 30 secondes, un maximum de hits, c'est parti. Je passe. Commence bien. Je passe. Tata Yo-Yo, avec son petit chapeau. Vanessa, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là. Mais... Ah, yo yo, qui chante? Ah, Nicordi. Oui. Mais t'es où? Pas là. Mais t'es où? Pas là. Yannick. Ouais. Wesh alors. Nanana, wesh. Terminé. Oh, c'est dur. Tu l'avais celui-là, Vanessa, ou pas? Non, pas du tout. Ouais, bah oui, je comprends. Alors, attention, on va y aller. Remets pas dedans. Non, non, ce que j'ai passé, je remets dedans. Bon, et fais pas perdre du temps voilà. Avec le mec, tu sais, Léla, il fait gagner du temps. De toute façon, tu as fait deux. Ouais, c'est ça. Donc, tu gagnes du temps ou tu en perds, ça ne change à rien. Tu as fait deux. Essaye de faire mieux. Ryan. Ouais. Connexion totale, mon pote, pour qu'on soit ensemble et synchro pour te faire deviner un maximum de hits en 30 secondes. T'es prêt ? C'est parti. Je suis chaud et je te jure, j'ai vraiment envie de te faire plaisir. C'est parti, 3, 2, 1. Maya, Maya, Hu, Maya, Je connais pas. Je passe. You and me catchy all night long. Non, tu trouveras pas. C'est chaud là. Banana speed, banana speed. Ouais, c'est vraiment des trucs que je connais pas. Ouais, banana, mais allez dans la danse avec les stars, c'est fait éliminer. Oh là là là, on va pas y arriver. Je roule, je suis en feu. Je suis chaud, je suis en feu. Oui. Ah, tu vas trop vite. Et voilà, je faisais ça pour toi, mon pote. Ouais, désolé. Ah, c'est moi qui suis désolé, j'ai tout donné pour toi. Ah ouais, j'ai vu ça. Eh bah écoute, on me choisit une fois par mois, à chaque fois je perds. Alors comme ça, je suis tranquille, je vais faire 12 jeux dans la saison, moi c'est très bien. Eh bah désolé, mon Ryan, en tout cas, c'est gagné ce matin pour Vanessa, bravo. Bravo Vanessa. Merci. On te laisse choisir du cadeau, qu'est-ce qui te ferait plaisir entre notre enceinte Bluetooth, 4 places de ciné ou alors la compil énergie. Enceinte Bluetooth. Oh, enceinte Bluetooth, eh bah on t'envoie ça pour chez toi. Vanessa et Ryan, je t'offre quand même la compil énergie parce que voilà, j'ai été très mauvais alors je. Non, mais, toi. Ah, c'est cool, merci. Histoire qui s'habitue un peu aux hits énergie parce que là. Oui, oui, c'est surtout ça. Non, mais au passage, t'as pas été très bon non plus, hein, Ryan. Hein, ouais, soprano, je suis en feu. Bah, voilà. Honnêtement, les fautes ne sont pas que de toi. Hein. On est d'accord. Ok, tu chantes mal, mais lui, était pas bon non plus. Ryan, c'est comme avec ma femme, temps partagé. On t'envoie la compil, Ryan, Vanessa, l'ensemble de toutes. On vous souhaite une bonne journée à tous les deux. À très vite. Bisous. Salut. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. Right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed, I snap, who's that dude? I don't even know his name, I laid hands on him. I never stoop so low again, I guess I don't know my own strength. Just gonna stay. You can barely breathe when you're with him. You meet and neither one of you even know it hit him. Got that warm fuzzy feeling, yeah, them chills used to get him. Now you're getting fucking sick of looking at him. You swore you'd never hit him, never do nothing to hurt him. Now you're in each other's face, spewing venom in your purse. When I'm tired of the games, I just want her back. I know I'm alive, if she ever tries to fucking leave again, I'ma tie her to the bed and set this house on fire. I'm just gonna stand there and watch me. Jane, c'est ce qu'on écoute dans un petit instant. Jane, notre marraine. Cohen, c'était notre premier invité lors de l'émission publique vendredi. On remet le couvert puisqu'on a dit qu'on ferait ça tous les derniers vendredis du mois. Et alors, peut-être qu'on aura notre parrain maintenant puisque c'est un homme qui vient, un homme debout même, j'ai envie de dire. Capéo sera notre invité vendredi pour l'émission en public. Si vous voulez venir, il suffit d'aller vous inscrire energie.be. Est-ce qu'il y a encore un peu de place, Tiffany? Ou est-ce qu'on est déjà complet? Ah oui, non, il y a encore de la place. Hein. Eh ben, venez vous inscrire. Venez vous inscrire, energie.be, il y aura du cadeau à choper pour vous. Et donc, Claudio Capéo en live vendredi dans l'émission. Il reste très très peu de place, j'ai vu. Je crois qu'on a déjà quand même pas mal rempli, sachant qu'il y a les gagnants aussi qui vont venir pour l'iPhone. Ouais. On va être blindés ici encore, je vous le dis, ça va être la fête. Vendredi, soyez là donc entre 6h et 9h et allez vous inscrire, energie.be. Avec moi y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler? Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis. T'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Les femmes sont l'avenir du numérique. Tu me crois pas? Wallonia Wonder Woman, action. Parce que c'est vraiment l'avenir, c'est intéressant. Ça n'a pas de limite et on peut travailler dans n'importe quel domaine. Se mettre la barrière de bah non, moi je suis une fille, les filles elles font pas ça. C'est pas vrai. Tout le monde devrait faire du numérique. Wallonia Wonder Woman, première. Découvre leur parcours de ouf sur digitalwallonia.be/woman. Digital Wallonia, nous transformons la Wallonie. C'est Dordeux quasi sur Énergie, bienvenue. Énergie. Avec la carte Cora, 21% de remise sur un jouet au choix. Et comme il y en a 3600, vous avez vraiment le choix. Des prix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora, conditions en magasin. Dans un instant, on va parler des Simpsons, les copains, Marge, Homer et toute la bande. Ils prédisent l'avenir, je sais pas si vous savez. Avant ça, voici la météo. Une zone de pluie va traverser le pays dans le courant de la matinée. Ça ne va pas durer puisque le temps sec reviendra. On aura un passage nuageux, mais aussi des éclaircies côté température entre 9 et 15 degrés. On s'informe l'actu de ce lundi 22 octobre avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. L'accueil de la petite enfance à sa réforme. La ministre Alda Gréoli la soumettra au gouvernement avant la fin du mois. Le texte prévoit la création de 2000 nouvelles places, surtout dans les provinces de Liège et du Hainaut. Il prévoit aussi un statut d'employé pour toutes les accueillantes d'enfants d'ici 2025. Concernant les tarifs des crèches, ils seront plus accessibles au bas salaire. Dans le dossier Carrefour Market, une réunion est prévue ce midi entre la direction et les syndicats. Une réunion qui se fera en présence du conciliateur social. Les syndicats préviennent déjà, si la conciliation n'aboutit pas, une grève sera organisée entre jeudi et samedi. Ce qui bloque, c'est la lenteur des négociations depuis l'annonce d'une restructuration il y a quelques mois. On passe au sport. En football, on disputait ce week-end la 11e journée de championnat. Anderlecht s'est imposé 4-2 face au Cercle de Bruges hier. Victoire aussi de Charleroi, 3-2 face à Zulte Waregem. Et puis la Gantoise a battu au Stand 0-4. Au général, Genk est en tête devant Bruges et Anderlecht. Lundi 22 octobre, il est 7h04. Bonjour! Bonjour! C'est une nouvelle semaine qui démarre. La dernière avant les vacances, les copains. Parce que oui, vendredi, c'est les vacances de la Toussaint. Je sais pas qui c'est ce Toussaint, mais il est super sympa. Et même ceux qui ne seront pas en vacances seront contents parce qu'il y aura moins de monde sur les routes. Évidemment, ouais. Et puis les enfants seront à la maison. C'est génial. Du coup, c'est la fête pour tout le monde, quoi. Ça sera vendredi. On va fêter ça comme il se doit avec notre émission en public avec Claudio Capeo qui sera là dans un instant. Bah alors, Arrêta, qu'est-ce qui se passe? Elle a arrêté. On s'arrête. Tout le monde est là. Il y a Tiffany au standard. Bonjour. Bonjour, bonjour. Il y a Aurélie de la Rédac. Bonjour. Il y a Jérém. Salut Marco. Il y a Frisco. Bonjour tout le monde. Et on est tous là au taquet jusqu'à 9h avec de l'iPhone XR à vous offrir ce matin. Ouais. Et ouais, les copains, ouais. Ça se gagne ici. Ouais, non, avant tout le monde, on vous offre ça. Restez bien branchés, je vous explique encore dans quelques minutes comment le gagner ce matin. Et puis on va parler des Simpsons. Qui aime bien les Simpsons? Tout le monde, ça fait unanimité quand même. On va parler des Simpsons dans un instant parce qu'ils ont prédit l'avenir. Ils prédisent souvent l'avenir, mais vraiment très très souvent même d'ailleurs. J'ai au moins là une dizaine de prédictions. On va pas tous les faire, mais c'est hallucinant quoi. Les gars, ils font flipper. I know you think that I am over you, but I have just better things to do than crying over you. I really got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be city runs into my dreams. Darling, I look up at the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be sur Énergie. Bonne matinée, Louis Fonsi dans un instant. Et on va parler de la famille de Marge Simpson. Marge Homer nous invite ce matin puisqu'on va parler d'eux. Vraiment dû prendre ça comme générique. Ouais, à mort. On parle des Simpsons parce que c'est vrai que c'est bientôt Halloween, hein, déjà. Et ça va arriver très vite. Et alors, j'étais vraiment halluciné de savoir ça. Ils vont arriver seulement à leur 666e épisode. Seulement, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà énorme. Mais je veux dire 666, ça fait c'est le chiffre du diable, non ? Mais exactement. C'est à cette occasion qu'ils vont nous faire un horror show diabolique pour célébrer leur 666e épisode. J'étais étonné, c'est quand même la saison 30 des Simpsons, mon patin. Donc, ouais, 666 épisodes, Dallas n'a qu'à bien se tenir. et les feux de l'amour de même. On parle des Simpsons parce que c'est vrai, ils ont prédit beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Notamment l'élection de Donald Trump. Oui, non. Ah ouais, c'est vrai, j'avais vu ça, ouais. C'était il y a 16 ans, donc imaginez, c'était pas hier. C'est dans les Simpsons, un épisode où c'est d'ailleurs avec Lisa, en fait. Et donc, il y a Trump qui se présente et qui est élu dans l'épisode. Et c'est Lisa qui succède à lui à la Maison-Blanche, ouais, tellement c'était bizarre. C'est dingue. Et c'est arrivé, ouais, quand même, quasi 10 ans plus tard, quoi. C'est hallucinant. C'est ouf. Le design du futur iPod, c'était dans les Simpsons. iPod ou iPhone ? iPod. iPod, après de là il est l'iPhone, mais tu crois pas que Steve Jobs, genre, il savait déjà, tu vois, et il a mis il a dit non, je pense pas. Non, c'était en 1996 et l'iPod est sorti en 2001, mec. Donc quand même, c'est 5 ans, il s'est passé du temps. Et en fait, c'était représenté comme un interphone. C'était quand ils sont face à un portail, ils sont à un interphone et c'est le même, alors design, le copie conforme de l'iPod. C'est peut-être l'inverse, c'est peut-être Steve Jobs qui a dit, été inspiré par les Simpsons. Et tu crois que c'est Donald Trump qui s'est vu gagner en regardant les Simpsons, il a dit je vais m'inscrire. Tout est possible, j'ai envie de te dire. L'arrestation des hauts responsables de la FIFA, ça a été prédit aussi dans l'épisode 16 des Simpsons. Le vice-président qui a été arrêté, c'était M. Platini. Ouais. Hein, avec tout le bazar financier qu'il y a eu, plutôt sympa. Ouais. La communication avec une montre connectée. À mon avis, Steve Jobs, il était à fond Simpson. oui, le fait d'émettre un appel visio avec nos téléphones, il faut savoir qu'en 1995, c'était un rêve. C'était dans l'épisode 19 de la saison 6 des Simpsons. Et ce moyen de communication existait déjà dans cet épisode-là. C'est dingue. Et ça arrivait. C'est dingue, c'est arrivé bien après. Bien après. Et puis, moi, je finis avec celui-là aussi, puisqu'il est quand même magique. C'est en 99. Il y avait des radiations qui créaient des tomates mutantes dans le monde des Simpsons. Ouais. Et ben en 2013, Fukushima qui a produit le même délire avec les tomates, quoi. Tout pareil. Ouais, mais c'est dingue, franchement. Dominique Lehmann n'a qu'à bien se tenir. Terre des voyants, voyant des terres. Et ben là, c'est les Simpsons des voyants, voyant des Simpsons. non, mais c'est assez incroyable que quand même, ouais, un dessin animé qui nous concerne tous, hein, les adultes, regardent bien Simpson. Mais ouais. Soit autant. Et il y en a plein d'autres, hein, je vous l'ai dit, pas tous, mais Coupe du Monde, ils ont prédit aussi. Enfin, un tas de bazar. C'est fou, dingue. Ça fait flipper. Ouais, grave. Et ils ont même un épisode où ils parlent du 6-9 d'énergie. Ah ouais ? Ouais, je vous dis pas ce qu'ils racontent, c'est flippant. C'est flippant. Sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah. Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta. Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta. Prendiendo fuego en el suelo, pintando estrella en el cielo. Y te diré lo que quiero si tú te quedas conmigo. Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, te daré. Calypso, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, te daré. 13 sur Energy, nouveau Marshmello. Oh, j'adore. On écoute ça dans un instant. Et du beau cadeau à gagner ce matin. Toute la semaine, on vous offre ce nouveau bijou de technologie. C'est le nouvel iPhone XR à choper sur Energy. Vous gagnez l'iPhone XR avant tout le monde grâce à Energy. Ça peut être l'occasion de refiler votre ancien iPhone à votre enfant qui vous tanne depuis des semaines pour avoir un GSM. Vous, vous changez de téléphone, prenez le nouveau, l'iPhone XR. On vous l'offre toute cette semaine. C'est Energy et Orange qui régale, évidemment, c'est pour vous. Ils seront d'ailleurs présents avec nous vendredi. Orange, ils viennent dans les studios. Pourquoi ? Pour vous amener les iPhone XR en telle exclu. Avant tout le monde. Avant tout le monde, puisqu'ils sortent vendredi. Donc, j'ai une amie hier qui m'a dit... Mais comment vous avez fait pour avoir les iPhones avant tout le monde ? J'ai dit, on est Energy. On a des contacts. Ben là, on a Orange. Ah, c'est vrai. On a Orange, c'est notre gros contact, notre gros copain surtout. Oui, il est gros, c'est gros Orange. Si vous voulez gagner ça, c'est très simple. Il suffit d'envoyer phone par SMS au 6018. Vous envoyez le mot code phone maintenant, c'est 1€ le message envoyé et reçu. On vous offre donc l'iPhone XR en fin d'émission. Et vous venez vendredi le chercher ici dans les studios ou pas. Si vous voulez pas l'avoir absolument vendredi. Non, on le garde pour nous. Vous savez pas être là vendredi, c'est pas grave, on l'offrira à quelqu'un d'autre. Non, mais voilà, il n'y a aucun stress. Phone par SMS au 78 pour vous inscrire. Et on vous offre donc l'iPhone XR avant 9h sur Energy. Bonne chance. C'est le 6-9. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Vos hits préférés toute la journée. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends. Énergie. Music. Only. Tiens, les jours Fnac, c'est quoi ? Ben, ce sont des journées avec des réductions allant jusqu'à 30% dans tous les rayons Fnac. 30% ? 30%. Fnac, libérez votre curiosité. Offre soumise à condition. Découvrez votre futur métier. S'il n'était pas animateur dans le 6-9 sur Énergie, que pourrait bien faire Marco, Jérém et Frisco dans la vie ? La Team Énergie a testé pour vous des métiers porteurs d'emploi et pour lesquels il existe des formations en Forem. Retrouvez leurs expériences sur Énergie entre 6h et 9h et en vidéo mardi sur énergie.be avec le Forem. Les mardis d'avenir du Forem, des métiers à découvrir, une formation à choisir. Jeune.leforem.be. Pour Hans Anders, les prix abordables, c'est essentiel. Qu'est-ce qu'ils font les autres avec l'argent qu'ils vous demandent en plus ? Si ça tombe, ils importent de véritables bébés ours et les déguisent en chiens. Résultat, la bête grandit, vous devez acheter de plus en plus de nourriture, des cages de plus en plus grandes, et un jour, l'animal écrase vos lunettes quand il monte vous faire des lèches sur le divan. Quoi ? Je suis tordu ? Oui, bon. Mais vous prendriez le risque ? Alors que chez Hans Anders, on vous offre les verres gratuits à l'achat de vos montures. Plus d'infos sur hansanders.be. Hans Anders, l'opticien pas comme les autres. Dans un instant, on parle d'enfants, enfants interdits. Interdits à des endroits, oui, je vais pas... J'ai pas fait un enfant interdit. Marshmello qui va arriver dans un petit instant. Et là, un point sur les routes ce matin, Aurélie. Pas mal de ralentissements à signaler sur le 40 en direction de Bruxelles. Vous perdez 25 minutes entre Asseroad et Berthem. Sur le 411, comptez 27 minutes en plus entre Rixensart et le carrefour Léonard. Sur le ring extérieur, ça coince entre Braine-l'Alleud et Haut-Ittre. Vous perdez 17 minutes. Comptez 18 minutes en plus sur le ring intérieur entre Wautier-Braine et Eusingen. 15 minutes en plus sur le 19 entre Nivelles et Haut-Ittre. Et puis au sud du pays, sur le 411, ajoutez 25 minutes entre Stockholm et Serpenich. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. No, And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. Thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier than only for a minute. I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. Sur Énergie, Kenji à suivre. Pour oublier. Pour oublier. Ouais, écoute ça dans quelques minutes. On espère que tout va bien ce matin, dans la bonne humeur avec nous. On démarre la journée tous ensemble avec Kenji qui arrive dans quelques minutes. Et là, on va parler d'un truc extraordinaire que j'ai vu ce week-end. J'ai revu cet article ce week-end. J'ai dit, mais c'est génial! C'est en Belgique que ça se passe. Une brasserie qui a pris une décision, une grosse décision, d'interdire les enfants dans la brasserie. Mais non, pas ah d'enfants. Oui, j'ai vu si, ça. Si, mais oui, je suis bête. À la j'ai mer. Vu, si, à la mer, ouais. À la mer, exactement, messieurs, dames. Adult only. Alors, c'est pas pour aller se faire des papouilles, hein. C'est pour passer une petite soirée en romantique. Je trouve ça génial. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, les enfants, moi j'adore les enfants. Mais il y a des fois où t'as quand même envie d'être sans enfant. Mais clairement, ouais, bah ça arrive, c'est normal. Et ben, un restaurant a eu cette idée, une brasserie, voilà, au nord de la Belgique, et qui a décidé donc de faire que des adultes. C'est bien si tu voulais passer d'ailleurs, une petite soirée en amoureux. Ouais, et d'ailleurs, ça avait fait un peu le buzz. Je crois que la dame voulait porter plainte, ou je sais pas ce qu'elle voulait. Porter plainte Je peux porter plainte Je suis un papy, elle est où Et ben, ouais, mais bon, c'est, le problème, c'est que les enfants, des fois, ils sont sages, c'est vrai, ils bougent pas. Moi, je bougeais pas au restaurant. Je dessinais sur la nappe. Moi, je mangeais, c'était bien aussi. je dessinais sur la nappe. Il bougeait pas, mais c'est pire, le mec il refaisait la déco quoi. Oui, c'était des nappes en papier, moi je viens pas allumer. Oui, moi je vais pas dans les restos, c'est des nappes en tissu. Qu'est-ce que t'as contre le BW, hein? Et du coup, ce matin j'ai envie de lancer un hashtag avec vous. Hashtag j'interdis. Trois petits points. Et vous complétez. Qu'est-ce qu'on peut interdire? Il y a plein de trucs qu'on peut interdire. Mais c'est nous qui allons lancer ça ce matin. Vous nous dites aussi 30-18 par SMS. Hashtag j'interdis trois petits points. J'interdis quoi, Jérém? Moi, j'interdis les mecs qui mangent des paquets de chips au cinéma ou des paquets de bonbons. C'est vrai. J'ai été hier voir un film et j'en pouvais plus avant que le film commence, quoi. Ça fait. Et ils se rendent pas compte qu'ils font du bruit. C'est vrai, il a raison. C'est vrai que le truc, j'avoue, et je faisais partie, moi, du gang des chips et des popcorns avant. Ouais, mais c'est les vrai, chips, c'est encore pire, je trouve. Nous sommes un gang, oui. Ouais, c'est un gang. On se rassemble une fois par mois, on mange des chips ensemble, c'est génial. Et c'est vrai qu'il y a une fois, je suis allé au cinéma avec ma nana qui a préféré prendre des petites glaces, des petites. Comme des macarons. Ouais, les Manon, Léonidas, vous voyez le truc, bah, la même chose, mais en version glacée, quoi. Et là, je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'en effet, les chips, ça fait du bruit. Ah, oh, c'est horrible. Oh, tu fais bien le bruit des chips. mec qui va chercher dans son paquet. Mais moi je trouve que les chips c'est encore pire que les pop-corn. Et ben depuis ce temps-là, tu sais ce que je me suis dit? Plus jamais je ne mangerai pas de chips au cinéma. C'est à ce moment-là que t'as changé de gang. Ah non non non, je reviens dans mon gang. Ouais, désolé. Continue à manger des chips. Ah mais oui, au moins tu te rends pas compte du bruit, t'en fais tout autant non, que c'est donc. C'est horrible. Oh, t'entends ouais, même pas la vanne du film. Comme il y a pas de vanne. Dites-nous ce matin hashtag j'interdis. On lance ça à l'occasion de cette brasserie qui interdit les enfants pour une bonne raison. Enfin voilà, pour passer une bonne soirée. Hein, voilà. Pas parce qu'elle aime pas les enfants. Après, on n'a pas tout lu, peut-être qu'elle les déteste, mais voilà. Hashtag j'interdis. Tiffany du Standard, ce serait quoi, toi? Moi, ce serait surtout les enfants qui sont derrière toi dans le train ou dans l'avion et qui tapent dans le siège. Et alors, tu peux pas te retourner parce que t'as toujours les parents qui te regardent en mode oui, je sais, ils sont comme ça. J'avoue. Oui, je sais, c'est le mien. Il est chiant, hein. Eh bien, moi, je l'ai tous les jours. Une fois qu'il tape sur ton siège à toi. Aurélie de la Rédac. Ah, moi, c'est. Je suis sûre que vous êtes d'accord. Les cheveux gras. Oh, ah oui! Parce que c'est interdiction. C'est pas possible, quoi. Quand formelle. Vous sortez de chez vous, lavez-vous les cheveux. J'adore. Ah, moi j'ai interdit un truc qui va peut-être vous saouler aussi ce matin à ce temps-là. J'ai interdit le mec qui reste à gauche. Ah oui! Ah oui! Et qui roule à du 90. Oh, quelle horreur! Tu fais les appels de phare, il bouge pas. Tu mets ton clignotant, il bouge pas. Et puis à un moment donné, il fait oh, tiens, il y a quelqu'un. Et là, il bouge. Et là, t'as envie de le. Tu te dis pourquoi j'ai pas des pare-buffes sur ma voiture? C'est pas grave! Ah ouais, je te promets, moi je. Oh, non, tu sais, des pics sur tes roues, comme ça, tu apprêtes ses roues, ça dégonfle ses pneus. Batman, le mec. J'interdis, c'est le hashtag qu'on lance ce matin. Frisco, ce serait quoi, toi? Ouais, moi j'interdis les gars qui ou les meufs qui écoutent leur musique, mais sans écouteurs. Ah! C'est dans les transports en commun, ou même dans la rue, etc. Mais écoute pour toi, pourquoi tu me fais écouter? En plus, c'est de la musique de merde. Bon, vous avez compris, voici Ken, j'ai fermé les carreaux. Enfant des villes, ou enfant des fois, on se fait tous une île pour aller bien à l'horizon. Pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête. ici dans les studios live. La vidéo et l'after movie est à voir energie.be ou sur le Facebook ici d'Energie Belgique. On va remettre le couvert très vite avec un nouvel artiste, ça va être énorme. Rudy Mental, Anne-Marie, c'est ce qui arrive. Dancing to a different tempo, could just be an echo. I've been reflecting my perspective, and now I know the love is never simple, no matter high or low. And if it brings you pain, then it's okay for you to let go. We don't need no drama, don't need problems in my head. We don't need no drama, dance with my body instead. When the night falls on us one by one, we will forget everything of that drama. We don't need no drama, ma, ma, ma, ma, ma. Need that drama, ma, ma, ma, ma, ma. 'Cause we don't need no drama, ma, ma, ma, ma, ma. Need that drama, ma, ma, ma, ma, ma. Talking in a different lingo. You told me your heart broke. You've been reflecting, counting blessings, and now you know. The love is never simple, no matter where it goes. And if it brings you pain, then it's okay for you to let go. Things are never simple. I guess if you don't wanna change your mind, you just gotta let me know. I told you before though. I just wanna dance with you, get involved. Forget all of this drama, it's getting old. And if it brings you pain, then it's okay for you to let go. We don't need no drama, don't need problems in my head. We don't need no drama, dance with my body instead. On us one by one, we will forget everything of that drama. 'Cause we don't need no drama, ma, ma, ma, ma, ma. Need that drama, ma, ma, ma, ma, ma. 'Cause we don't need no drama, ma, ma, ma, ma, ma. We will forget everything of that drama. 'Cause we don't need no drama. Goûtez notre nouvelle lasagne, élue par vous la meilleure de Belgique. Quoi de mieux que comme et à casa, à part... La nouvelle lasagne bolognaise à casa. 7h31 sur Énergie, Rudy Mental, Anne-Marie, dans un petit instant. Et avant ça, un petit point sur la météo, s'il vous plaît bien. Une zone de pluie va traverser le pays du nord vers le sud. Rassurez-vous, on n'aura pas de la pluie toute la journée puisque le temps sec va vite revenir. On aura des nuages et des éclaircies. Côté température entre 9 et 15 degrés. L'actualité de ce lundi 22 octobre avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Ça bouge pour l'accueil de la petite enfance. La ministre Alda Gréoli a bouclé sa réforme. Elle la soumettra au gouvernement cette semaine. Le texte prévoit la création de 2000 nouvelles places d'accueil, la moitié réservée aux provinces de Liège et du Hainaut. Le texte prévoit aussi un statut d'employé pour toutes les accueillantes d'enfants d'ici 2025. Concernant les tarifs des crèches, ils devraient être plus accessibles aux bas revenus. Enfin, dès le mois de janvier, un site internet de l'ONI sera lancé. Il permettra aux parents de savoir où il reste de la place. Dans le dossier Carrefour Market, une réunion est prévue ce midi entre la direction et les syndicats. Une réunion qui se fera en présence du conciliateur social. Les syndicats préviennent déjà. Si la conciliation n'aboutit pas, une grève sera organisée jeudi, vendredi et samedi. Ce qui coince, c'est la lenteur des négociations depuis l'annonce d'une restructuration. C'était il y a quelques mois. On passe au sport. En football, on disputait ce week-end la 11e journée de championnat. Hier, Anderlecht s'est imposé 4 buts à 2 face au Cercle de Bruges. Victoire aussi de Charleroi 3-2 face à Zulte Waregem. De son côté, la Gantoise a battu au stand 0-4. Au général, Genk est en tête devant Bruges et Anderlecht. Et enfin, en Formule 1, le Finlandais Raikkonen a remporté le Grand Prix des États-Unis hier. Il a fini devant le Néerlandais Verstappen et le Britannique Hamilton. Du coup, le Britannique va devoir attendre au moins une semaine pour décrocher son 5e titre de champion du monde. L'info énergie. Et à 7h30, comme tous les jours, une petite info énergie. On va parler télévision ce matin. Ouais, et j'ai une excellente nouvelle pour Jérém. Quoi ? À ton avis ? C'est une émission, une nouvelle émission. C'est pas nouveau. Koh-Lanta. Oui. l'émission va revenir. Yes, je le savais. Oui, bon, vous le savez. Comme tous les ans, quoi. Le tournage de la dernière saison avait été suspendu suite à une affaire d'agression sexuelle. On n'était pas sûr. Donc, on ne savait pas si ça allait revenir. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'après une longue pause, le programme est prévu donc pour le début 2019. On parle du premier trimestre 2019. Oh. C'est Denis Brognard qui l'a annoncé sur Twitter. Le tournage de la nouvelle saison a commencé. Il a lieu en ce moment. Quoi, ils pas attendu. T'es pas dedans. Oh non. Je suis désolée, t'as pas été retenu. Bon, oh. Peut-être pour 2020 ou, ou 2048, 2030 ou après. Mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle. T'auras de quoi passer de belles soirées pendant quelques mois. Ça va être chouette. J'ai rêvé encore longtemps quand même. Je paierai cher pour moi ça quand même. Ah, ouais. Si un jour il faut une édition enfant, peut-être que là t'auras ta chance. Hey, déjà quand on donne de la pâtée pour chat, monsieur fait le difficile, mais alors là. C'était dégueulasse cette pâtée pour chat. Ah bah là tu vas en bouffer à Koh-Lanta, mon pote. Hein. Oui, bah si c'est pour Koh-Lanta, voilà, c'est pour 100 000 euros. Maman, parfois, elle rigole toute seule dans la voiture à cause du 6-9 sur Énergie. C'est trop marrant. Le 6-9 sur Énergie. La vérité sort toujours de la bouche des enfants, je vous dis. 7h34, bonjour. Bonjour. Bienvenue, c'est le 6-9, les fifous du matin sont là, tout le monde est là, l'équipe au taquet. Dans un instant, on va jouer ensemble, c'est le mot gagnant qui va arriver. On vous offre de l'iPhone ce matin, l'iPhone XR, le tout nouveau pour chez vous. Restez bien là, je vais vous expliquer comment gagner ce petit bijou de technologie. Après Rudy Mental. And then I say to myself, it's never as it seems. 'Cause I am the one, I rule my world. Nobody rule my destiny. 'Cause you are the one, you rule your world. No Batman on your destiny. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up, live it up. Leave me alone. Sur Énergie, c'est Musty qui arrive. J'ai vu qu'il avait démarré ses concerts, j'ai vu qu'il est dans une espèce de tenue. J'ai l'impression que le mec fait un truc avec du papier d'aluminium. Ouais, on dirait qu'il est sur la lune. Il a fait l'ancienne Belgique la semaine dernière et il était aussi à Arlon. Ouais. Et ben voilà, Musty, on l'écoute dans un petit instant sur Énergie, ça va arriver. Et là, à 7h38, on va jouer avec vous. C'est le mot gagnant avec du cadeau à vous offrir, j'espère. Qui vient jouer ce matin? C'est Belinda qui travaille comme employée à la police de Charleroi, donc attention. Bien. Et puis, elle est mariée, elle a deux enfants, Stelio et Mila. Elle adore faire du shopping avec ses copines à ses heures perdues. Et puis, elle aime aussi faire de la Zumba et regarder le meilleur pâtissier. Oh, la Zumba! Ça, Belinda, je te sens professionnelle de la Zumba. Belinda, bonjour! Oui, bonjour! Bonjour! Salut, salut à toi, Belinda, sois la bienvenue ce matin. Zumba, hey, Zumba, ho! C'est ça la mode en ce moment, la Zumba. Tout le monde est Zumba, Zumba, quoi. Ouais, il y a beaucoup de gens Zumba. Mais ça, on transpire, hein, Belinda, sans déconner, c'est. Ah, Ouais, t'as fait cardio. C'est, ben voilà, c'est pas voilà. Pour moi. C'est absolument pas pour moi. On va jouer avec toi ce matin, Belinda, au mot gagnant. Tu vas avoir 20 secondes pour nous donner tout un tas de mots qui te passent par la tête, démarrant par une lettre. Quelqu'un de l'équipe fera la même chose, un mot en commun, c'est le mot gagnant. T'as envie de jouer avec qui ce matin? Il y a Tiffany qui est là, il y a Aurélie de la Redac, il y a Jérém, il y a Frisco. Ah, je vais prendre le Carolo, je vais prendre Fricot. Ah, voilà. Carolo en force. Il est content, ça faisait longtemps qu'il l'avait pas en fait en plus. En puissance. Allez, allez, vas-y mon Frisco, va quitte faire le studio. Un peu de Zumba. Va zumbader. Frisco est en dehors du studio. Belinda, un tas de mots. Oui. Tous les mots qui te passent par la tête. À part des mots pas propres, hein, mais tout le reste, tu peux y aller, tu peux te faire plaisir pendant 20 secondes. Prêt à noter, Jérém? Oui. Belinda, on va faire une lettre très compliquée. Pouf! La deuxième lettre de l'alphabet et la première lettre de ton prénom. La lettre B, Belinda. C'est parti. Banane, boutique, boulangerie, bière, bague, béton, baraque. bidon. Quoi? Bison? Bouteille. C'est fini. C'est pas mal. Alors, ouais, il y en a pas mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu vas à la boulangerie puis tu prends une bière. Voilà. Pourquoi pas. Allez, Frisco revient dans le studio. Et 20 secondes aussi pour Frisco. Un mot en commun, c'est le mot gagnant, Belinda. On te souhaite bonne chance. Bonne chance, Frisco. Oh, je stresse. C'est la lettre B, Frisco. Okay. B comme Belinda. Okay. Parce qu'elle a les yeux bleus. Belinda. 3, 2, 1, c'est parti. Blond, Baraki, Belinda, bleu, bonjour, bravo, banane. De rien la Carolo. On a eu chaud, cacao. Oui. Vraiment, il était parti dans un autre délire. Je me suis dit, oula, il est pas bien. Oui. Juste après, j'avais Braquemar. Braque. C'est gagné, Belinda, ce matin. Bravo, du cadeau pour toi. On te laisse voir ça avec Tiffany au standard. On t'embrasse et tu reviens quand tu veux, Belinda. Belle journée. C'est gentil, moi aussi, je vous embrasse. Bisous. Belle journée, Belinda. A bientôt, voici Musty sur Énergie, 7h40, bienvenue. Will you stay with me if I'm in motion? I try to plant a tree, but no reaction. I'm a 21st century boy. I'm a 21st century toy. Already in the grave, the game is over. Television stands in the corner. I'm a 21st century boy. I'm a 21st century toy. Maybe too late. Still looking for a gun. The air is insane. I'm a 21st century boy. I'm a 21st century toy. A girl is passing by. Maybe too shy. A boy is making a try. He's maybe too proud. Like a 21st century boy. Like a 21st century boy. 7h43, Lizzo à suivre. Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. Et le clip est très sympa aussi à voir, hein, sur Énergie Hits en télé. Lizzo dans quelques instants. Et du cadeau pour vous maintenant, c'est le nouvel iPhone XR. On vous offre ça toute cette semaine. Un iPhone tous les jours qui tombe. L'iPhone XR, un petit bijou technologique. Il coûte une blinde quand même, hein. Ouais. On est à quasi 1000 euros le téléphone, hein. Ouais, franchement, c'est pas plus. Du coup nous on vous l'offre pour 2 euros. Bah voilà, c'est pas cher payé mon pote. C'est Orange et Énergie qui régale. Il suffit d'envoyer Phone par SMS au 78. C'est 1 euro le message envoyé reçu. Phone au 6018 et vous gagnez donc l'iPhone XR pour chez vous. C'est un tout nouvel écran liquide Retina. Le LCD apparemment le top du top du marché en ce moment. Il n'y a pas mieux. Face ID très rapide, la puce la plus intelligente et la plus puissante jamais intégrée à un smartphone. L'appareil photo, j'en parlais tout à l'heure, terrible. Très très bon. Il arrive à faire le flou derrière. Ouais, magique. Très très génial. Beau. En mode portrait. Là. Ouais, en mode portrait, c'est terrible. C'est beau sous tous les angles, ce iPhone XR, vraiment un beau petit bijou. Je vous avoue que j'ai bien envie de craquer aussi, mais là, les budgets, ouais, les finances aussi, ne me le permettent pas. ça dit, nous, on vous l'offre pour chez vous, pas cher, c'est 2 euros. 1 euro, le SMS envoyé est reçu. Vous envoyez Phone maintenant au 6018. On vous appelle à 9h et on vous offre l'iPhone XR avec Énergie Orange. Bonne chance. C'est le 6-9. Vos stars préférées reviennent toutes à Cannes le 10 novembre pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Ça va à Cannes ? Assistez à la soirée événement. Partez à Cannes, assistez au Energy Music Awards avec la phrase Energy. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Energy Belgique ou sur energy.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Energy. Je veux assister au Energy Music Awards à Cannes. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de gagner vos places pour les Energy Music Awards 2018, le 10 novembre à Cannes. Energy. It Music Only. Vous voulez acheter une voiture neuve ? Ou plutôt ? Vous trouverez tout ça sur gocar.be. Les milliers de véhicules neufs disponibles chez les concessionnaires près de chez vous sont visibles sur un seul site web, gocar.be. Gocar.be, numéro 1 sur le déstockage de voitures neuves. Ça, c'est votre douleur. Et ça, c'est le Dafalgan Forte effervescent. Saviez-vous que le comprimé effervescent agit 2 fois plus vite sur votre douleur que le comprimé à avaler ? Et ça, c'est vous. Dafalgan Forte effervescent soulage 2 fois plus vite. Médicament en paracétamol. Pas d'utilisation de plus de 5 jours en cas de douleur sans avis médical. Dafalgan Forte est réservé à l'adulte et à l'adolescent de plus de 15 ans. Maximum 3 grammes par jour en automédication. Lire attentivement la notice. Cet hiver avec Engie, offrez un coach à votre chauffage. Il vous donnera le meilleur de son rendement. 4, 2, 1, 2, 1. Qu'est-ce qui se passe ? Un souci avec le chauffage ? Ah, allez, tout va rentrer dans l'ordre, le technicien arrive. 3, 4, on tient le coup, c'est parti. 2, 1. Avec Engie, vous profitez d'un service complet qui vous envoie rapidement un technicien agréé pour une réparation. Appelez Engie 7 jours sur 7, 2 jours comme de nuit. Nous vous aidons dans les 24 heures. Oui, c'est bien ça ! Plus d'infos sur engie.be/chauffage. Fnac. Si la curiosité n'existait pas, vous n'auriez jamais été tenté de tout acheter à la Fnac. Oh, il paraît que ce bouquin est génial. Et l'enceinte Bluetooth, là, le son est dingue. Et ça, le design est top, j'adore. Et sans curiosité, vous n'auriez jamais profité de tous ces achats avec des réductions allant jusqu'à 30% pendant les jours Fnac. Fnac. Fnac, libérez votre curiosité. Offre soumise à condition. Stop. Stop. Stop. Stop à la violence envers les filles. Maintenant. Ne détournez pas le regard. Agissez et soutenez nos projets sur planinternational.be. En ce moment, achetez pour au moins 25 euros chez Brentano et allez chez Plopsaland à partir de seulement 9 euros. Brentano.be. Et Plopsaland est à vos pieds. J'interdis, c'est le hashtag qu'on a lancé ce matin. Vous nous dites hashtag j'interdis, 3 petits points. Vous complétez cette phrase pour interdire tout ce que vous voulez. Nous sommes ce matin la justice. Nous mettons en place des lois. ou pas. <J'adore. rire> ou pas. Si vous voulez faire ça, réagissez avec nous maintenant. 30-18 par SMS. Vous appelez Tiffany, c'est gratuit. 0800-234-56. Lizzo qui arrive. Un point sur les routes, Aurélie. Un accident s'est produit sur le 411 à hauteur de Wavre en direction de Bruxelles. La bande d'arrêt d'urgence et la bande de droite sont bloquées. Autre accident sur le ring intérieur de Bruxelles. Ça se passe à hauteur du viaduc de Vilvoorde en direction de Zaventem. La bande de gauche est bloquée. Il y a des ralentissements en direction de la capitale. Sur le 40, vous perdez 35 minutes entre Birbeck et Berthem. Sur le 411, ajoutez 41 minutes entre Rosières et Oudergem. Sur le ring extérieur, vous perdez 44 minutes entre entre Braine, Lalleud et Groenendaal. Et puis sur le 411 au sud du pays, ajoutez 31 minutes entre Stockheim et Sterpenich. What you say, boy? You tryna play coy like a game boy? Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome, boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish. Ay, papi. Baby, I don't need you. I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 plus 2? Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys. Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. I wanna be. I heard you a freak too. That's right. What's 2 plus 2? Les fifous. Bah oui, dis donc. Lundi, nouvelle semaine qui démarre avec vous. Et on démarre ensemble cette semaine. Jusqu'à 9h, c'est le 6-9 qui est là avec toute l'équipe, les fifous du matin. On a lancé un hashtag j'interdis. Pourquoi? Parce qu'il y a une brasserie qui a décidé, c'est à la mer du Nord, d'interdire les enfants dans la brasserie pour pouvoir passer un petit moment en amoureux ou entre adultes. Et du coup, on lance le hashtag ce matin, j'interdis. Vous réagissez 30-18 par SMS. Vous nous appelez aussi, c'est gratuit. Déjà des SMS qui sont arrivés. Margot, par exemple, qui nous dit, j'interdis les gens qui te posent plein de questions pendant le film. C'est vrai que c'est très relou, ça. Ça, c'est super chiant. Et tu penses que... Et à ton avis, là, il va faire quoi? Et pourquoi il... Je suis sûr que c'est lui le tueur. Mais on s'en fout. C'est insupportable, c'est vrai. Hashtag j'interdis. Vous nous dites 0800-234-566. Il y a Karine qui est là. Bonjour Karine. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Oh, c'est un peu bizarre, c'est comme ma maman Karine. Bonjour maman de Marco. Non, c'est pas maman. C'est pas maman, je l'aurais reconnue quand même. Quand même. Karine, tu interdis quoi toi? J'interdis la râlerie. La râlerie. Ah oui. Ah oui, je suis d'accord. Ouais, moi je suis un professionnel de la râlerie. Ah, je râle tout le temps. Et bah du coup Karine ne t'aime pas. Voilà. En fait, voilà, c'est pas vrai. La personne qui râle, j'aime pas le fait de râler. Mais c'est vrai, il y en a qui râlent pour rien en plus, hein. Ouais. Tout à fait. Et le pire, c'est ceux qu'on ne sait pas pourquoi ils râlent. C'est vrai, ça, c'est vrai. Et le pire, j'ai envie de dire le pire de tout, c'est quand tu dis tu râles? Non. Si tu râles. Ouais. Non, je râle pas. Non, mais si tu râles. Et alors tu râles parce que l'autre arrête pas. Ouais, c'est ça. Là maintenant, je râle, oui. Ouais. C'est un peu ça. Merci Karine d'être passée ce matin. On t'embrasse. Une belle journée à toi. Avec plaisir. Bonne journée. Bisous. À bientôt. Bisous. Il y a Benoît qui est là aussi ce matin. 0800-234-566. Le hashtag qu'on a lancé, j'interdis. Dites-nous. Bonjour Benoît. Salut l'équipe. Salut les fifous. Salut. Benoît, qu'est-ce que tu as interdit, toi? Moi, je suis chauffeur poids lourd. Ouais. Et ce que j'interdis, c'est les imbéciles sur la route qui viennent se mettre devant nous quand on est à charge, surtout, et qui freinent au dernier moment. Ah là là là là là, les imbéciles. Généralement, c'est des gens qui ne savent pas c'est quoi le boulot, et quand ils freinent, ils ne savent pas qu'on est peut-être à 44 tonnes au sol, et qu'ils nous bloquent et qu'on ne sait pas freiner, donc on leur rentre dedans. C'est vrai qu'on y pense mais ouais, pas. C'est vrai. Bah, évidemment, mais c'est vrai qu'un camion, tu te dis jamais, tiens, il est plein ou il est vide. Mais ouais, et donc avec le poids, bah, t'as plus, enfin, c'est des distances de freinage beaucoup plus longues, quoi. Faut remettre une petite lumière, en fait. Petite lumière rouge, il est plein. Vert, il est vide. Ouais, mais alors eux, ils vont mettre tout le temps, il est plein, comme ça, personne ne. Même quand on hésite, parfois c'est pas facile. Ouais, mais ouais, j'imagine. J'imagine. Eh ben, courage en tout cas pour le boulot, c'est vrai. Hein, moi, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui prennent les routes. Déjà, ils bouffent du bitume et du kilomètre. Ouais, hein, il faut aimer la route. Et mais par contre, ça dit, je rêve quand même un jour de pouvoir conduire un camion. Ah, je vous jure, pour deux choses. C'est vrai ? La première, c'est le siège qui est hyper. Tu sais, tu peux. Ouais. Tu rebondis dedans. C'est génial. Et la deuxième, c'est le klaxon, évidemment. Pousse-toi, GG ! Attends, il a un klaxon peut-être ? Tu veux te faire un kiff ? T'es dans le camion ou pas ? Là, oui, bah, je me suis arrêté, je suis à l'arrêt, je fais une petite coupure, mais... Oh, fais-moi un petit pouette-pouette. Allez. Mais oui. Très beau klaxon. Oh, oui. Très beau klaxon. Klaxon de compétition. Et bon, attends, merci d'être passé ce matin, Benoît, on t'embrasse, à bientôt. Bisous, Benoît. Merci à vous. Bisous. Et belle bisous. Journée. Pouette, hein. Pouette. Ouais, j'aime. Il y a sur Instagram, Mayu Number One, qui nous dit « Les bébés qui pleurent dans l'avion ». Ah oui. J'interdis les bébés qui pleurent dans l'avion. Ouais, mais les pauvres, ils ont mal, ils ont la décompression et ils savent pas, eux, qu'il faut ravaler leur salive. Mais qui pleurent en silence. Et tu as pas donné une chic à un bébé quand même. Ouais, c'est ça. T'imagines, allez, bouffe la chic là, mais j'ai pas de dents, on s'en fout. Ah, moi, ça me fait toujours de la peine, les bébés dans l'avion. Ouais. Je te jure, je le vois, il est là. Mais oui, on t'a pas expliqué comment il faut faire. Hein. Ça te fait de la peine, mais c'est relou quand même. Ça te fait de la peine 5 minutes, hein, mais quand tu prends un vol de 4 heures. Il pouvait pas aller en dessous, tu l'as. 38 par SMS, j'interdis. On nous dit les chauffeurs du dimanche. Ah, il y en a eu encore pas mal hier, c'est vrai. Ouais. Pour ça qu'on les appelle les chauffeurs du dimanche. Parce qu'on était dimanche hier. Les petits derniers aussi, les petites mamies qui payent en monnaie au carrefour. Oh là là. Ah oui, eux non, c'est pas possible. Honte à eux. J'en peux plus. Il faut que j'aurai envie de dire c'est bon, je paye pour toi, mamie. Et puis quand elles ont fini, elles disent ah, attendez, j'ai oublié, j'avais des points. C'est vrai. Les chaussures de Tiffany, les Palladium. Ça, c'est moi. Ça, c'est spécial dédicace à nous. Ouais, c'est Maroon 5 sur Énergie. Bienvenue. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes. The chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again. Énergie. Bon début de semaine avec nous. Dans un instant, c'est Jonas Blue qui va arriver côté hit. Et on va vous expliquer comment gagner votre iPhone XR ce matin. On vous l'offre, Énergie Orange vous régale. Avant tout le monde, vous l'aurez dans vos mains vendredi. Vous le donnerons dans le studio à l'occasion de l'émission publique. Ouais. Phone par SMS au 6018. Oui, je vous l'explique maintenant comme sur table. Phone au 78, c'est 1€ le message envoyé et reçu. Vous inscrivez l'iPhone XR pour chez vous à la maison avant la fin de l'émission. Jonas Blue et le duel Énergie, c'est ce qui arrive juste après. Oh, it's a long way down. But if you don't look, you don't have to know it. And I could be around to catch you fall if you're losing your grip. Can't you see that I come crawling on my knees to get to you, get to you, get to you? Can't you see that I climb mountains just to be next to you, next to you, next to you? But do you love me like I love you? Don't have to rush if you don't want to. Oh, I'll be patient, but just know that there's no way that anybody else could love you like I love you. Like I love you. Surrender your heart. Keeping me out in the dark. Keeping me out in the dark. I know you're wanting me, but she won't surrender your heart. Keeping me out in the dark. Keeping me out in the dark. In the dark. Do you love me like I love you? Don't have to rush if you don't want to. Oh, I'll be patient, but just know that there's no way that anybody else could love you like I love you. Like I love you. Nobody else could love you. Love you, you. Nobody else could love you. Love you, you. Nobody else could love you. Love you, you. Like I love you. Like I love you. Il est 8h sur Énergie, bienvenue. Bon lundi. Énergie. Chez Cora, la grande poupée princesse Disney est à 19,95€. Qui a dit que les princesses étaient inaccessibles? Des prix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Jonas Blue, c'est ce qui va arriver dans un petit instant. Le duel Énergie à 8h05. Et là, avant ça, un petit point sur la météo. Bon, aujourd'hui. Et donc, une zone de pluie va traverser le pays. Rassurez-vous, ça ne va pas durer. Le temps sec reviendra dans le courant de la journée. On aura une alternance entre nuages et éclaircies. Côté température, ça se rafraîchit entre 9 et 15 degrés. On s'informe l'actu de ce lundi 22 octobre avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Ne vous étonnez pas si vous ne pouvez pas vous garer aux abords d'une école. Les rues scolaires sont autorisées à présent en Wallonie. Dans ces rues, la circulation peut être interdite à certaines heures. Le but est de faciliter et sécuriser les allées et venues des enfants. La réforme de l'accueil de la petite enfance est bouclée. Elle sera sur la table du gouvernement cette semaine. Le texte prévoit la création de 2000 nouvelles places d'accueil. La moitié est réservée aux provinces de Liège et du Hainaut. Le texte, il prévoit aussi un statut d'employé pour toutes les accueillantes d'enfants d'ici 2025. Concernant à présent le tarif des crèches, il devrait être plus accessible aux revenus les plus bas. Enfin, dès le mois de janvier, un site internet de l'ONU sera lancé. Il permettra aux parents de savoir où il reste encore de la place. En sport, en football, on disputait la 11e journée de championnat ce week-end. Hier, Anderlecht s'est imposé 4-2 face au Cercle de Bruges. Charleroi a battu Zulte Waregem 3-2. De son côté, la Gantoise a battu au Stand 0-4. Au général, Genk est en tête devant Bruges et Anderlecht. Lundi 22 octobre, on est de retour pour une nouvelle semaine et la dernière semaine avant les vacances. C'est le 6-9, bonjour. Bonjour. On espère que tout va bien, les fifous du matin sont là, tout le monde est là. Il y a Tiffany au standard. Bonjour, bonjour. Il y a Aurélie de la rédac. Bonjour. Il y a Frisco. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Il y a Jérém. Coucou la Belgique. Et il y a dans un instant le duel énergie avec, avec Marie, normalement notre maître du duel, qui ne répond pas au téléphone pour tout vous dire. Marie, peut-être qu'elle nous écoute là. Réveille-toi. Marie, dépêche-toi. Non mais c'est vrai Marie, maître du duel qui est à 700 euros, si tu pouvais décrocher, ce serait très gentil. Surtout te réveiller en fait. Je crois que Marie, elle nous a fait une jérémite aujourd'hui. Une jérémite. Ça arrive dans un instant le duel énergie après Jonas Blue qu'on écoute maintenant. Bienvenue. We're gonna ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change anything at all. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They think we just drop out, living at our mom's house. Parents must be so proud, they know it all. No, they don't speak our language. They say we're too savage, yeah. No, no, we don't give up anymore. Keeping on going till we can't go no more. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. Yeah. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They trying to hate. C'est Calvin Harris avec Sam Smith. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Yes, why? 8h06, bientôt 7. Bientôt, boy, dans 5 secondes en fait. Hein, comme ça, voilà. Pour régler ta pendule. 8h07, on est l'horloge parlante aussi, si tu veux. C'est le moment de retrouver notre duel énergie. Non, ça, c'est pour le maître du duel. Détends-toi, il va déjà falloir faire un duel quand même. Duel énergie. Avec ce matin deux nouveaux duellistes parce que notre maître du duel, Marie, ne répond plus au téléphone. Nous a oublié. Eh bien, Marie, sache-le, tu viens de tout perdre. C'est dommage avoir participé pour rien gagner. Dommage, ballot, c'est pas grave. Nouveau duel ce matin et nous avons Jennifer qui est là notamment. Oui, c'est. Oui. Salut, oui, Jennifer. Bonjour. C'est Jennifer, oui, c'est qui travaille dans le nettoyage du côté de Liège. Elle a une petite fille de presque 8 ans qui s'appelle Maëline. Elle adore la natation et les voyages et puis elle aime regarder l'émission N'oubliez pas les paroles et Le meilleur pâtissier aussi. Ah bien, bonjour à toi. Bonjour, comment vous allez? Ben, ça va bien et toi? Super. Oh super, je suis super excitée. Eh bien écoute, on te le souhaite ce matin, Jennifer, de gagner ce duel, mais tu ne seras pas seule. Eddie est là pour t'affronter. Oui, c'est non. Eddie. Non, qui lui travaille comme éducateur spécialisé. Il a deux enfants, Léa et Félix. Il aime le football et il est d'ailleurs fan du Sporting de Charleroi. Et il joue aussi souvent à la console à FIFA et PUBG. À quoi? PUBG. PUBG. Oui, je sais pas trop c'est quoi exactement. Bonjour, bonjour Eddy. Bonjour les gars. Bonjour. Mais oui, très bien. C'est quoi ce truc PUBG? C'est une battle royale, c'est un peu comme Fortnite mais en plus réaliste. Ah d'accord. Ah ben ok cool. Et Jennifer s'y connaît apparemment. Non. Non. Jennifer, Eddy, vous allez vous affronter ce matin pour un nouveau duel. Et attention, nous jouons ce matin avec les sonneries polyphoniques, les sonneries Weebits. Ah oui, ça va piquer aux oreilles. C'est les sonneries qu'on mettait sur nos vieux GSM. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on avait les vieux Nokia 3310. On pouvait les créer nous-mêmes, etc. J'adorais celle-là. On va jouer donc avec les sonneries. Il faut retrouver l'artiste, tout simplement. Dès que vous l'avez, vous criez votre prénom, puisque votre buzzer, c'est votre... Prénom. Bien évidemment, 500 euros à gagner aujourd'hui, 5 extraits, 100 euros par extrait. Je vous souhaite bonne chance, Jennifer et Eddy. À l'issue de ce duel, nous aurons un nouveau maître du duel. Voici le premier extrait. Eh ben, ça commence. Alors là, c'est lundi, hein. C'est bah oui, faut ce qu'il faut. Eddy et Jennifer n'ont pas trouvé. Peut-être que vous l'avez. Vous envoyez duel plus la bonne réponse au 6-0-1-8. On cherche ce matin donc un artiste. Je vous donne un indice. C'est un DJ. ...78, vous envoyez duel plus la bonne réponse. C'est 1 euro le message envoyé reçu. C'est assez facile. Il y a moyen de trouver. Eh ben, ça fait 0-0. C'est pas grave, Jennifer, Eddy. Voici non, le... Bah non, hein. On va se rattraper ouais, avec le deuxième extrait. Bonne chance à vous deux. Ça suffit pas. Si je la chante, il y a moyen que je gagne des points. Non, tu vois. Elle négocie, Jennifer, j'adore. Non, malheureusement, non. C'est bien, ça va être un duel rentable ce matin. Ça va être bien. Voici le... C'était Dua Lipa qu'on cherchait. Ouais. Bah oui, ça savait. Et toujours après qu'on dit ça. Ah ouais, c'était Dua Lipa qu'on cherchait. C'est pas grave. Troisième extrait. Oh là, je sens que ça va aller très très vite. Je sens que vous allez trouver très rapidement. Je rappelle, votre prénom pour buzzer, très important. Voici le troisième extrait. Jennifer. Il y a eu le Attends. Mais tu peux dire Déjà, voilà. Hein, on va commencer par ça. Jennifer nous dit. À côté, en plus. Jennifer nous dit Ed Sheeran. Eh ben oui, ça fait un point, 100 euros. Mais oui. Bonne réponse de Jennifer ce matin. Tout est encore possible pour toi, Eddy. Tout est faisable. Il reste deux extraits à ce duel. Rien n'est encore fait. Rien. Rien de rien. Voici le quatrième extrait. Jennifer. Allez, sur le fil. Comme l'artiste. Mais attends deux secondes. Attends que je te donne la parole. Pas possible ça, sans déconner. Pas possible. On dirait Jennifer. Un enfant. Mais oui. Jennifer, on t'écoute. Luis Fonsi, Despacito. Eh ben ça fait 2 points, ça fait 200 euros pour Jennifer. C'est ma sonnerie de GSM. Ah bah t'es pas voilà. J'espère pas en polyphonique. Cette version là ou cette version là? J'ai pensé à la mettre. Ah d'accord, écoute-moi, on t'en verra. 2 points ce matin pour Jennifer, 200 euros, Eddy, c'est ballot. Ça va être compliqué d'être maître du duel, mais tu peux mettre des bâtons dans les roues de Jennifer. En trouvant le cinquième et dernier extrait. Ou tu es galant, à toi de voir. Voici le cinquième extrait, bonne chance. C'est bien ce que je pensais. Vous envoyez duel plus la bonne réponse si vous pensez avoir trouvé cet extrait. C'est C'est l'histoire de Gomez et Tabarès, si vous rencontrez Selena. Vous envoyez duel plus sa bonne réponse par SMS au 6018. Le premier qu'on cherchait tout à l'heure, c'était David Guetta, le premier. Évidemment. Avec Titanium. On a eu David pas mal de bonnes réponses. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est arrivé. Et ben voilà, big up à vous. David Guetta qui était à Legends d'ailleurs ce week-end, tu l'as vu toi. Ouais, j'ai été le voir, c'était terrible. T'as mis tes mains en l'air. J'ai mis mes mains en l'air comme lui, j'ai fait. Vas-y David, push him up. Et alors le petit dernier qu'on cherchait. C'était Selena Gomez. I'm it me too. Eh ben c'est pas grave, ça fait quand même 200 euros pour Jennifer ce matin et elle devient notre nouvelle maître du duel. Avec plaisir, on va se marrer avec toi je pense pendant les prochains jours Jennifer, ça va être sympa. Et je veux de la discipline la prochaine fois Jennifer. Je vais essayer de me recadrer. Ouais, sinon ça va être dans le bureau ça. Voilà. On va bien se marrer. Eddie, on te souhaite une très belle journée, bien essayé, tu retentes ta chance quand tu veux Eddie. Ouais, ça va. Ben, je peux faire un petit bisou. Bien sûr. Je voudrais faire un petit bisou à Félix qui doit vous écouter dans la voiture. Qui doit vous écouter dans la voiture avec sa maman, à Léa, à ma compagne Céline, qui me supporte depuis 20 ans. À Rémi aussi, un collègue qui doit être avec ses deux loulous en train de vous écouter dans la voiture. Voilà, à tous ceux qui me reconnaîtront, je fais un gros bisou. Et je voulais te demander, Marco, est-ce que, voilà, comme je suis éducateur, je travaille dans une institution, on a souvent besoin de fonds, est-ce que je peux te filer un lien pour poster sur ta page Facebook de l'émission ou un truc comme ça pour voir s'il y a moyen de récupérer quelque chose pour organiser des camps pour nos jeunes? Tu veux de la thune, toi, c'est ça? En gros. Si je dois résumer, c'est ça. Mais non, mais vas-y, envoie Eddie avec plaisir. Marco@energie.be. Fais péter et je verrai ce que je peux faire de bien pour toi, mon ami. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'était une très très bonne journée. Et encore merci à tous de mettre les gens de bonne humeur le matin. Ah, merci à vous. Ah, merci à vous d'être là à l'écoute, les fufos. Merci, mon Eddie. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut. Et bah, Jennifer, on se dit à demain 8h05 alors. Oui, je serai présente. Bah ouais, bah vaut mieux pas comme Marie. Hein. Non, je serai debout, moi. Eh bah, ben, ça va, nickel. À demain, Jennifer. À demain. Bisous. Le duel énergie. C'est le 6-9. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit music only. Si la Terre se réchauffe encore, la banquise pourrait fondre. Quoi ? Et alors les pingouins viendront vivre chez nous ? Heureusement, nous n'en arriverons pas là. En choisissant l'énergie verte du soleil et du vent, nous construisons avec Eneco un plus bel avenir. Tant mieux, ce pingouin fait trop de bruit. Maintenant, jusqu'à 200 euros de réduction sur eneco.be. Les semaines clés en main débarquent chez Mercedes-Benz Vans. Et ça veut dire que vous allez faire le plein d'avantages jusque fin octobre. Des conditions exceptionnelles sur tous les utilitaires Mercedes-Benz. Ah, comme par exemple jusqu'à 5000 euros d'avantages sur un nouveau Mercedes Vito. Et comme tout est déjà inclus, vous n'avez plus qu'à prendre les clés et c'est parti. Les semaines clés en main, faites le plein d'avantages. Prenez les clés et c'est parti. Pour réserver un essai, rendez-vous sur vanshop.be ou chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz Vans. Vans, born to run. Vous voulez acheter une voiture neuve? Ou plutôt... Vous trouverez tout ça sur gocar.be. Les milliers de véhicules neufs disponibles chez les concessionnaires près de chez vous sont visibles sur un seul site web, gocar.be. Gocar.be, numéro 1 sur le déstockage de voitures neuves. Base présente les aventures de... Tata Doggy Bagman. Tata Doggy Bagman, Base offre jusqu'à 24 gigas en plus pour tout nouvel abonnement. Et s'ils ne sont pas consommés, ils seront abandonnés à la fin du mois. Moi, Tata Doggy Bagman, jamais je ne tolérerai qu'un data soit abandonné. Moi aussi, vous me sauverez. Tous les datas ont le droit d'être sauvés. Ah, oh, vous êtes si gentil. Je ne fais que mon travail, mon petit. Avec les abonnements de Base, j'emmène vos restes de data au mois suivant. En plus, en ce moment, chez Base, je fais fort jusqu'à 24 gigas en plus pour tout nouvel abonnement. Conditions sur base.be. Base. Vous avez une cabane de jardin ? Dans ce cas, vous êtes probablement l'heureux propriétaire d'une brouette cassée, d'un vieux skateboard ou d'un ballon de foot tout crevé. Oui, l'Euro propriétaire. Parce que jusqu'au 31 octobre inclus lors des German Days Opel, à l'achat de votre nouvel Opel Corsa ou Astra, vous recevez une prime de reprise de 2500 euros pour tout ce qui roule. Bref, une petite recherche dans votre cabane peut vous faire profiter bientôt d'une voiture allemande de très grande classe. Rendez-vous vite dans votre showroom Opel. Chaque mardi dans ta région, découvre les métiers qui manquent aujourd'hui à nos entreprises. En une journée, participe à des ateliers très concrets, discute avec des formateurs du métier et rencontre des jeunes en formation. Les mardis d'avenir du Forum, c'est l'occasion de trouver la formation qu'il te faut pour décrocher rapidement un job. Plus d'infos, jeunes.leforum.be. Choisir votre plat dans ce restaurant thaï, ça vous prendra bien 5 minutes. Et le 214 ? Mais ça pique aussi, hein. Oh. Savoir si vous pouvez payer votre assurance auto moins cher ne vous prendra dès maintenant que 5 minutes. Faites le test sur touringassurance.be. L'assurance auto est un produit de Touring Assurance SA. Limites et conditions sur touringassurance.be. Rappelez-vous, c'était vendredi, à la même heure, on a eu Hugo au téléphone qui nous a dit que ce week-end, il devait dire à sa meilleure amie, son amie depuis 10 ans, ouais, qui était amoureux et qui voulait qu'il s'aime. Voilà. Plus qu'en amitié. Hugo est avec nous dans moins de 3 minutes et il va nous dire comment ça s'est passé ce week-end pour Hugo. J'espère que c'est bien passé pour lui. J'espère aussi. Et qu'il n'a pas friendzoné. Avant ça, un petit point sur la route ce matin, Aurélie. C'est un peu la cata hein, ce matin sur la 54. Un accident s'est produit à hauteur de Charleroi en venant de Nivelles. Le passage est difficile. Autre accident sur le petit ring de Charleroi à hauteur de Porte de l'Europe. La bande de droite est bloquée. Sur le ring extérieur de la capitale, accident à hauteur de Genappe en direction de Bruxelles. La bande de gauche est bloquée. Vous perdez 31 minutes à partir de Braine-l'Alleud. Sur le 411, on signale un accident à hauteur de Louvain-la-Neuve en direction de Bruxelles. Sinon, pas mal de ralentissements. Sur le 40, une heure de perdu entre Asserode et Woluwe Saint-Étienne. Sur le 411, comptez une heure en plus entre Rixensart et Auderghem. Sur le ring extérieur de la capitale, entre Ouitre et Genappe, vous perdez 22 minutes. Et puis au sud du pays, sur le 411, comptez 44 minutes supplémentaires entre Stockheim et Sterpenich. Are you drunk now? Now I judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Très bon le nouveau Calvin Harris avec Sam Smith. 8h22, Z qui arrive dans un petit instant. You're a world away, somewhere in the crowd. I got me now pour bien démarrer la semaine avec vous. On espère que tout va bien. C'est lundi, le 6-9 est de retour. Dernière semaine avant les vacances. Dans quelques minutes, je vous explique comment repartir avec votre iPhone XR ce matin. Ça sera dans moins de 30 minutes. On va vous appeler pour vous offrir ça. Avant ça, c'est le retour de Hugues ce matin. Hugo qui était là avec nous, c'était vendredi. Vendredi, à cette même heure, il nous a appelé pour nous dire que ce week-end, il devait se passer quelque chose d'important dans sa vie. Hugo, ami avec Caroline depuis plus de 10 ans. C'est la musique qui va chauffer. Qui va bien avec. Hugo, bonjour. Bonjour. Hugo. Hugo, c'était ce week-end et c'est vrai que sa vie a peut-être changé entre vendredi et aujourd'hui. Comment s'appelle d'ailleurs cette demoiselle? Parce qu'on n'a pas osé en parler vendredi pour ne pas te porter la poisse, mais maintenant on peut savoir. C'est comment son prénom? Donc elle s'appelle Caroline. Ouais. Eh bien, Hugo, je t'en prie, raconte-nous tout comment ça s'est passé. Avec, j'espère, une bonne nouvelle. Donc, vendredi, je devais aller au cinéma avec elle. Et donc, on y allait. Ça s'est bien passé jusque-là. Puis après, on a été boire un verre. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit, bon, on s'entend bien, on passe plein de temps ensemble. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, qu'on rigole et tout. Et que, moi, je suis un peu plus attiré que ça, que juste l'amitié et tout. Et puis là, elle est restée juste choquée devant moi. Et elle a pris un mot pendant au moins 3 minutes. C'est long, 3 minutes. Très long. Mais surtout que tu sais pas si c'est positif ou négatif, c'est ça le truc. Mais... Ouais, mais ta tête, c'était pas positif. Ah non, je crains le pire. Donc, au final, elle a fini par couper court à la soirée parce qu'elle a dit moi je suis mal à l'aise avec ça. Et donc, elle est rentrée chez elle. Non. Et donc, il s'est rien passé, donc c'était vraiment bien friend zone, mais genre nowhere zone, quoi. Et là, ça fait. Je lui envoie des SMS et elle me répond pas. Ah non, donc envoie des SMS et elle répond pas parce qu'on entend pas bien. Oui, ça coupe, ça assure. Ouais. Il te faut un nouvel iPhone aussi. donc, la friend zone. Ouais, complètement. Aïe. Et le pire après, c'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu la recontactes en disant non, mais t'inquiète, c'était pour rire ou... C'était une blague. Mais il lui renvoie des messages, elle répond pas, tu vois. C'est chaud déjà. Bah moi, j'irai la voir. Ah là, c'est compliqué. Mais là, juste depuis samedi, comme j'ai pas de nouvelles, j'avoue que pas trop d'aspect. Si il lui appelle la déclaration comme ça, c'est normal. Non, mais c'est vrai, le truc, ce qui est bête dans cette histoire, c'est que ça peut, enfin, j'espère pas pour toi, mais que ça va pas gâcher les 10 ans d'amitié. C'est toujours le risque. Hein, ouais, c'est ça, quoi. Quand tu veux annoncer à ton bon pote qu'en fait t'es amoureux, aïe. Et là, t'as plus de nouvelles, faut laisser le temps. Laisse le temps. Le temps au temps, il fera les choses en ta faveur. Oh, ouais, c'est beau ce que tu dis. Je vais devoir attendre un peu, quoi. Mais vous avez pas quelque chose pour me consoler? Si, écoute. Il a pas bien compris parce que ça a coupé. Il a pas dit quelque chose pour me faire pleurer. Il a dit quelque chose pour me consoler. Mais oui, alors on a Tiffany. Oui. C'est le cadeau de consolation de. Moi je sais pas si c'est un cadeau. Hein, ça dépend si elle vient avec ses moufettes ou pas. Tout se joue sur les chaussures. Je sais pas, j'ai envie de l'appeler cette Caroline là. Il faut aller la voir peut-être le temps. On va peut-être pas remuer le couteau dans la plaie tout de suite. Ouais, c'est ça. Moi je propose qu'on laisse passer un peu de temps. Et alors honnêtement, si on peut arranger les choses, Hugo, ça sera avec grand plaisir, sache-le. Bon, c'est cool, les gars, merci. Avec grand plaisir, écoute, et merci à toi d'être revenu ce matin, parce que moi, je peux te dire que la radio me rappelle pour dire où j'en suis. Les gars, j'ai pris une crampe, alors salut, merci, au revoir, mais me demandez pas de parler de ça. On te souhaite une bonne journée malgré tout, Hugo. Vous mettez de bonne humeur tous les matins, donc c'est cool. Oh, merci, Hugo. À bientôt, mon Hugo. Bisous. Courage. Are you happy now? There's nothing left to say. So I shut my mouth. So won't you tell me, babe? Are you happy now? You're the only one who can up and run. Leave me just as empty as the day you came. You hold all the cards, all the broken hearts, strung over your shoulder till it's all in vain. And only you know the strength in your teeth. Your pocket's so deep, lonely. You're a world 7h28 sur Énergie, Georges Ezra. Ça arrive dans un instant, on a l'iPhone à vous offrir, l'iPhone XR. C'est Orange et Énergie qui régale ce matin. Ouais, trop bien. Vous envoyez phone par SMS au 6018 maintenant. C'est 1€ le message envoyé et reçu. Et on a l'iPhone XR à vous offrir dans moins de 30 minutes. Donc faites vite, hein. C'est une pépite, mais je vous jure, j'ai envie de changer. Et d'ailleurs, je remarque que depuis que j'ai envie de changer, mon téléphone n'arrête pas de tomber. C'est incroyable, ça. C'est des messages psychologiques, tu vois, que tu te lances en disant cerveau, lâche mon téléphone. Et il casse pas. Vous envoyez phone maintenant au 6018, 1€ le message envoyé et reçu. Et l'iPhone XR pour chez vous avant la fin de l'émission. A tout de suite. The bad girl wicked. Anyway, me dem make the man tan sicky. Dem a bad have a bambi, dem want give me dicky. Nazaki black and Jane at the club. Sure. They want a nice girl for one body dicky. Light up the hook and drink some rum. Link up the girl, dem get some fun. And we make the girl, dem give him and bun. And look around the place, Gigi London. On est où là? Pour une paire de fesses, nous on trahit pas les nôtres. On est où là? Nous n'encaissons le baiser, on trahit pas les loups. Oh, yes, alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré. Attends le jour de la paix, équilibré. En vrai, on s'en bat les couilles, équilibré. Ah, ah, ah, équilibré. Ah, ah, ah, équilibré. Ah, ah, ah, équilibré. Ah, ah, ah. On est où là? Pour une paire de fesses, nous on trahit pas les nôtres. On est où là? Nous n'encaissons le baiser, on trahit pas les nôtres. Alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous on pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré. Attends le jour de la paix, équilibré. En vrai, on s'en bat les couilles, équilibré. Ah, ah, ah, équilibré. Ah, ah, ah, équilibré. Ah, ah, me make the girl turn freaky. Equilibre. Them a fi wine pon the dicky. Equilibre. Go them fire like the city. Equilibre. Mama, eh, mama, ce soir y'a des morts dans la queue, ouais. Mama, eh, mama, ce soir y'a des morts dans la queue, ouais. Nous on pose des bouteilles. Ouais, c'est bon. Goûtez notre nouvelle lasagne, élue par vous la meilleure de Belgique. Quoi de mieux que Com et à casa, à part... La nouvelle lasagne bolognaise à casa. 8h31 sur Énergie. Georges Ezra qui arrive dans un petit instant. Et la voici en point sur la météo pour aujourd'hui. Une zone de pluie va traverser le pays. Rassurez-vous, ça ne va pas durer. On aura un temps plus sec dans le courant de la journée avec des nuages, des éclaircies, des températures un peu fraîches quand même, entre 9 et 15 degrés. Eh oui, l'hiver est là, il arrive à grands pas, les copains. 8h32, on s'informe l'actu de ce 22 octobre, lundi. C'est avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Les rues scolaires font leur apparition en Wallonie. Dans ces rues, la circulation peut être interdite aux heures d'arrivée et de sortie d'école. Seuls les piétons et les cyclistes peuvent accéder à la zone fermée par des barrières. Rappelons que tout le monde peut demander la mise en place d'une rue scolaire. La commune est la seule à valider les installations. Des installations destinées à faciliter, sécuriser les allées et venues des enfants. L'accueil de la petite enfance a enfin sa réforme. La ministre Alda Gréoli la présentera cette semaine au gouvernement. Le texte prévoit la création de 2000 places supplémentaires. La moitié ira aux provinces de Liège et du Hainaut. La réforme, elle prévoit aussi un statut d'employé pour toutes les accueillantes d'enfants d'ici 2025. Et puis bonne nouvelle pour les parents, les crèches seront plus accessibles aux bas revenus. Enfin, à partir du mois de janvier, un site internet de l'ONE sera lancé. Un site qui permettra aux parents de voir où il reste de la place. Dans le dossier Carrefour Market, les syndicats et la direction se retrouvent ce midi. Une réunion qui se fera en présence du conciliateur social. Les syndicats préviennent, si la conciliation n'aboutit pas, une grève aura lieu entre jeudi et samedi. Pour rappel, les syndicats dénoncent la lenteur des négociations depuis l'annonce d'une restructuration. C'était il y a 5 mois. On passe au sport. En football, on disputait la 11e journée de championnat ce week-end. Anderlecht s'est imposé 4-2 hier face au Cercle de Bruges. Et victoire également de Charleroi, 3-2 face à Zulte Waregem. Et puis la Gantoise a battu au stand 0-4. Au classement général, Genk est en tête devant Bruges et Anderlecht. On termine avec de la Formule 1. Le Finlandais Raikkonen a remporté le Grand Prix des États-Unis hier. Il a fini sa course devant le Néerlandais Verstappen et le Britannique Hamilton. Du coup, le Britannique va devoir attendre une semaine au moins pour pouvoir décrocher son cinquième titre de champion du monde. Il paraît que quand vous écoutez le 6-9 sur Énergie, vous êtes mort de rire. Ok, bah j'attends. Moi j'ai tout mon temps. Eh bah rigole quand même. 8h34 sur Énergie, bonjour. Bonjour. Lundi, on démarre ce lundi avec vous. Nouvelle semaine tous ensemble dans la bonne humeur sur Énergie avec le 6-9, ouais. Les fufous du matin. Et dans un instant, les infos café. Oh, j'ai des pépites les copains. Oh, il y en a un. J'ai hâte. C'est mon héros, je vous le dis. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. 8h37 sur Énergie, Amir. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais. On vous offre l'iPhone XR ce matin. Dans quelques minutes, on va vous appeler chez vous. Je vais vous expliquer là, juste après, comment gagner l'iPhone XR ce matin grâce à Énergie Orange. Ouais, bon, pas, c'est pas vous. Avant ça, comme tous les lundis, à 8h35, le moment est venu de vous donner les infos café. J'en ai un, c'est mon héros, un petit bout de chou. Je vous raconte son histoire dans quelques instants. Il a fait un truc, je suis certain. On a tous rêvé de le faire. Sauf qu'aujourd'hui, on est adulte, on peut plus. Mais vous allez comprendre tout de suite dans un petit instant. Avant ça, qui a un chien dans l'équipe ou un chat? Moi. Aurélie non. De la rédac. Ouais. Un woufouf ou un miaou? Un wouhou. Ah, c'est un gros chien. Jérémy, t'as quelque chose aussi, toi? Oui, enfin, c'est le chien de ma maman. C'est un petit Yorkshire nain. Ah oui, le fameux. J'adore le Yorkshire Nain. Limite, lui, quand il fait woufou, ça fait. Tellement il est ridicule. Eh bien, sachez-le, si vous êtes un peu piccolo, picolasse, vous allez pouvoir boire avec votre chien ou votre chat. Ils ont sorti une bière pour chien et du vin pour chat. Voilà. Oh, mais là, impeccable. Donc, plus que les croquettes pour humains et on est au top. On va partir du côté de Paris, les copains, le métro parisien. C'est hallucinant ce que je vous raconte là. Qui a déjà pris le métro, que ce soit à Paris ou ailleurs? Sachez, à Paris, il y a un truc extraordinaire qui s'est passé. Ils ont testé un ticket de métro qui avait 35 ans. Ah mais bon, non. Est-ce qu'à votre avis, un ticket de métro vieux de 35 ans peut encore fonctionner? Déjà, c'était pas le même mécanisme. C'était pas plus ou moins la même chose, mais... Mais moi, je dis que s'il a jamais été composté, pourquoi pas? Si t'en parles, c'est que oui. Ça a été acheté... C'est ça. Elle est intelligente. Hein, ça a été acheté en 1983 et le ticket parisien en 2018 fonctionne toujours. C'est génial. Excellent. C'est incroyable. Hein. Mais c'est génial. Alors, ils sont différents depuis lundi dernier, les tickets, pour le métro parisien. Donc, si vous avez des vieux, liquidez tout maintenant. Ouais, c'est ça, ça sert plus à rien. Mais c'est ouf quand même, 35 ans, t'imagines? Mais c'est dingue. C'est incroyable. Il n'y a pas une dépréhension là-dessus? Bah non, mais c'est le mécanisme, comme disait Jérémy. Ouais, tant que ça reste le même mécanisme. Ouais, c'est ça, on s'en fout tant que ça n'a pas été composté, voilà. Oui, allez, quoi. Ok, cool. D'ailleurs, il doit me rester des vieilles places pour. Pour le parc d'attractions, peut-être que... Voilà. Acheté ça en 1972. Vous allez voir si Mickey a toujours la même tête. On va parler de console ce matin. Jérém nous parlait qu'il est chaud en ce moment. Il est très motivé pour s'acheter une PS4. Oui, ma copine un peu moins. Oui, j'allais dire. Elle m'a lancé des regards vendredi quand on était voir PM. Incroyable. Alors, on essaie de le convaincre à venir nous rejoindre sur PS4. Mais bon, c'est encore une histoire compliquée. Avant, je jouais que chez les amis. Ça coûte moins cher, que ça. Je vois de moins en moins mes amis, puisqu'ils sont tous casés et très bien casés. On va parler de console ce matin, et tu pourrais peut-être faire ça, mon cher Jérém. C'est Nintendo qui aurait déposé un brevet pour en fait faire une coque de smartphone, mais qui te permettrait de jouer à la Game Boy. Excellent. Donc tu mettrais ça sur ton smartphone, t'aurais le même écran qu'à l'époque de la Game Boy. Ouais. Il y a les petits boutons et tout, tu sais, le AB là. Deux boutons. Là. Exactement. Et donc, tu pourrais jouer avec ton smartphone à la Game Boy. Génial. Bon, c'est pas encore confirmé s'ils vont le sortir ou pas. On sait juste qu'ils ont déposé un brevet. En même temps, j'ai envie de te dire, s'ils ont déposé un brevet, c'est pas pour faire joli, c'est pour se faire un peu de pognon. Ouais. Surtout que toutes les Nintendo Mini fonctionnent, ça cartonne en ce moment. Là, les Super Nintendo Mini, la Nintendo Mini. Donc, je vois pas pourquoi ça marcherait pas cette histoire. Ouais, clairement. Un bon petit Mario, quoi. Ouais, oh, ce serait énorme. Bon, sauf que ton écran, il sera en couleur. À moins qu'ils vont faire une application où l'écran soit en noir et blanc. Oh, génial. Un Pokémon. On va parler. Alors, lui, c'est mon héros. Je vous le dis, vraiment, un héros. C'est un mec qui était à l'aéroport et d'un seul coup, son fils a disparu à l'aéroport. À votre avis, pourquoi? Où est-ce qu'on a pu le retrouver, le petit? Non, ne me dis pas qu'il a fait ça. Dis-moi. Ne me dis pas qu'il a été sur le truc des bagages et qu'il a fait le tour. Mais oui! Il a dit quelque chose qu'on voulait faire quand on était petit, mais c'était trop ça. Moi, je voulais trop faire ça. Aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur du truc où les bagages arrivaient. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que non pas ils l'ont vu sur le tapis roulant, c'est que d'un seul coup, le mec qui fait le truc de radiation, tu sais, il dit là, c'est pas une valise, ça. Et c'est génial. C'est sur l'écran de contrôle qu'ils ont vu que le gamin était passé en dessous au rayon X. Excellent. Génial. Enfin, ça doit pas être très très bon pour la santé, mais pour le gamin, mais c'était génial. C'était génial. Moi, j'ai toujours rêvé d'aller derrière voir comment ça se passe. Réalise tes rêves. Moi, je l'ai fait une fois, je me suis fait engueuler. Bah ouais, mais c'est vrai. Et fais ça, je vais me faire arrêter, moi, et on va me prendre pour un fou. Bah non, tu peux pas. On parle bien des trucs de bagages qui tournent quand tu arrives. Ouais. Ouais, je l'ai fait une fois, il y a un gars qui m'a engueulé. Bah oui, t'as pas le droit de faire ça, évidemment. Je suis resté dessus 3 secondes. Mais moi, le kiff, c'est même pas de faire le tour du truc. Ça encore, c'est marrant, ça. Mais c'est de rentrer derrière. Ouais. Et de voir. Et tu sais, j'ai toujours imaginé qu'il y avait des valises de partout. Moi, je m'imagine trop comme dans Toy Story. Ouais, tu vois, avec les ascenseurs et tout ça. Ou comme dans Monstres et compagnie, tu sais, avec les portes, là, quand ça rentre, c'est un hangar de dingue. Il y a des. En fait, non, t'as juste GG qui t'attend, qui va te porter, qui va t'ocheter. Comme ça dans c'est le où ça? BGY. Oh, ça doit être, je sais pas moi, Birmanie. Allez, hop là. Allez, je vous promets, j'ai acheté une valise, elle a fait un voyage. Ils y vont avec douceur et tendresse. Mais oui. On les embrasse quand même, ouais, tous ceux qui font on ça. On les aime fort. Jette plus fort encore. Si Amir sur Énergie. Je veux des problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps. Si t'es avec moi, c'est toi dans ce monde fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Mon évidence, t'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Quel lover, ce Amir. On aime bien le nouveau Amir sur Énergie. 8h46, dans un instant, c'est le nouveau Jason Derulo qu'on a pour vous. Ce sera pas celui-là. Non, c'est pas celui-là, J'aime bien, Marco, il met la chanson que vous n'écouterez pas. Voilà. Dans un instant, le François. Dans un instant, ce ne sera pas celui-là, ça sera celui-là. Ouais, j'aime bien, ouais, il fait plaisir à écouter. Nouveau Jason Derulo dans quelques minutes pour vous sur Énergie. Et de l'iPhone ce matin à choper, il vous reste très peu de temps, faites vite. Vous gagnez l'iPhone XR avant tout le monde, wow, grâce à Énergie. L'iPhone XR, ce nouveau bijou de technologie, on vous offre ça. Énergie Orange qui régale cette semaine. Beau cadeau quand même, vraiment. iPhone XR, il est très très beau esthétiquement. Ils ont refait pas mal de choses quand même en termes de technologie dessus. Hein. Ouais, franchement, c'est top. Hein. Ils ont mis une nouvelle puce, ouais, nouvel écran, nouveau téléphone, ben oui, évidemment, mais nouveau appareil photo, pardon. C'est terrible. Nouvel écran liquide Retina. C'est quand tu penches ton téléphone, ça fait, tu sais, c'est un liquide, tu vois, qui bouge comme ça dedans, c'est magnifique. Non, c'est super beau. Non, c'est pas du tout comme ça, je vous rassure. C'est pas comme ça, mais c'est super beau quand même. Il est cassé ton téléphone. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, c'est une pépite, le nouvel iPhone XR à vous offrir. Vous voulez ça pour chez vous? Oui. Inscrivez-vous maintenant, vous envoyez phone par SMS au 6018. Aurélie, ça a rien de jouer, tu ne pourras pas le gagner. Je vois que tu envoies ton SMS, c'est pas là, non? Ensuite alors. Et ben voilà. Phone par SMS au 6018, c'est 1 euro le message envoyé et reçu. On prend le gagnant dans moins de 10 minutes maintenant. Donc faites vite, ça sera peut-être vous. Bonne chance. Bonne chance. C'est le 6-9. Sur Énergie, on vous joue vos hits préférés sans s'arrêter. Dans la playlist Énergie. Chaque jour à 9h et à 20h, c'est vous qui programmez, vous qui décidez. Vous choisissez les hits de votre radio préférée. Les hits Énergie, c'est vous qui les choisissez. Créez maintenant votre sélection musicale gratuitement sur énergie.be. La playlist Énergie, inspirée par vous. Cet hiver avec Engie, offrez un coach à votre chauffage. Il vous donnera le meilleur de son rendement. Et un, allez, on jette son vieux thermostat dont on n'a plus besoin. Voilà. Et deux, on le remplace par box. Et trois, regardez comme c'est facile, on fait des économies jusqu'à 10%. Hein? Alors? Avec Box de Engie, le thermostat intelligent élu produit de l'année, économisez jusqu'à 10% sur votre consommation d'énergie. Commandez Box maintenant. Engie reprend votre ancien thermostat, 100 euros. Offre et conditions sur box.be. Pour Hans Anders, les prix abordables, c'est essentiel. Mais que font les autres avec tout l'argent qu'ils vous demandent? Si ça tombe, ils feront intervertir les mots avec et sans dans le dictionnaire. Et quand vous demanderez un curry sans noix de cajou, on vous le servira avec, alors que vous êtes allergique. Votre tête doublera de volume et vous devrez acheter de nouvelles lunettes. Quoi? J'exagère? Bon, peut-être. Mais vous prendriez le risque? Alors que chez Hans Anders, on vous offre les verres gratuits à l'achat de vos montures. Plus d'infos sur hansanders.be. Hans Anders, l'opticien pas comme les autres. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat dans votre pare-brise? Faites-le réparer maintenant. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne où et quand ça vous arrange. C'est super pratique et n'est possible que chez Carglass. Réservez maintenant votre rendez-vous sur carglass.be via votre PC, smartphone ou tablette. Dans un instant, c'est l'interro de Frisco. Eh oui, il se venge de tous ces bons points qu'il a eu à l'école. C'est dans quelques minutes après Jason Derulo et un point sur les routes maintenant, Aurélie. Ah, pas mal d'accidents à signaler ce matin sur le 19 à hauteur d'Aubourg en direction de Bruxelles. Le passage est difficile. Du côté de Bruxelles, un accident s'est produit sur le ring intérieur à hauteur du viaduc de Vilvoorde en direction de Zaventem. Sur la 54 à hauteur de Charleroi, en venant de Nivelles, le passage est difficile. Autre accident sur le petit ring de Charleroi. À hauteur de Porte de l'Europe, la bande de droite est bloquée. Il y a un véhicule en panne sur le ring extérieur de Bruxelles. Il se trouve à hauteur de Woluwe-Saint-Étienne et bloque la bande de droite. C'est en direction de Hall. Pas mal de ralentissements aussi sur le 40. Vous perdez une heure en Trace Road et Woluwe-Saint-Étienne. Sur le 411, il y a des ralentissements entre Vereille et Auderghem. Vous perdez 31 minutes, 22 minutes en plus entre Torrambé-Saint-Tron et Corroy-le-Grand. Sur le ring extérieur, ajoutez une heure entre Waterloo et les quatre bras de Tervuren. Sur le ring intérieur, ça coince entre Woutier-Brenne et Bercel. Vous perdez 31 minutes. Et puis au sud du pays, ça bouchonne aussi. Sur le 411, entre Stockheim et Sterpenich, vous perdez 33 minutes. Courage. Anne. Coquinou. Ça arrive dans un instant. I guess you look happier than you do. My friends told me one day. Sur Énergie dans quelques minutes, 8h53, c'est Tanguy qui va arriver juste après pour votre playlist partagée. Bonjour monsieur Tanguy. Bonjour monsieur Marco. Comment ça va? Oh, ça va. Tout un petit ça va ça. Non mais je me suis fait la réflexion, je trouve qu'aujourd'hui on a l'impression d'être passé en automne, mais vraiment, hein. Il fait plus noir. Hein. Oh, bah là, c'est même on est même passé en hiver en sautant l'automne, je pense. Ouais, directement. On a sauté une saison. Oh là là. Et t'as sauté la journée aussi parce qu'il fait noir dehors. Tellement il y a des nuages. Je vais rappeler Vivaldi, je vais lui dire de faire une 3 saisons plutôt qu'une 4 saisons. Pas mal. Je redoute le moment où on va gratter les copains. Oh là là. Oh, ne me parle pas de grattage. Oh là là, on va devoir se réveiller un quart d'heure plus tôt pour gratter cette. Le grattage, oui. Ça va. C'est la journée, quoi. Le petit crachin là qui vient dans ta figure. Non, ça me dérange. Allez, le grattage, c'est le plus chiant. On va faire l'interro de Frisco. Il était tellement bon à l'école qu'il se venge aujourd'hui sur vous. J'étais fort à l'école. Hein. C'est vrai? Bah, j'étais en option maths sciences, mec. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, ma Charleroi. Mais quoi, ça change rien, mec. Qu'est-ce que tu fais à la radio alors? Bah écoute, ouais, voilà, je sais pas. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Le mec aurait pu envoyer des fusées et. Non, j'étais pas une fusée non plus. Hein. Ah, je faisais maths sciences, mais j'étais pas non plus. Ouais, et puis ici, on bouffe bien, donc. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai choisi la bouffe ou la fusée, j'ai choisi la bouffe. Il y a Jason qui vient jouer avec toi ce matin à l'interro de Frisco. Bonjour, Jason. Oula. Qui est notre Jason? Oui, c'est Jason qui vient du côté de Vielsalm. Il est fraîchement marié depuis 6 mois et il travaille comme machiniste. Machiniste. Félicitations. Ça va, Jason? Ouais, c'est bien, vous? Ouais, t'as pas l'air réveillé, mon ami? Si. Ou alors, si t'as pas l'air réveillé, t'as l'air heureux, en tout cas. C'est le mariage. Joie de vivre. Jason, on va jouer avec Frisco, l'interro de Frisco, et tu auras peut-être du cadeau à gagner pour toi dans quelques minutes. Ok. Voilà. Et motivé, Jason. Ça fait plaisir. C'est une bonne journée, Jason. L'interro de Frisco, bah, quand tu veux, vas-y, pose tes questions. Alors, première question. Quelle est l'équipe nationale ayant gagné le plus de Coupes du Monde? Oh, le mec, on voit que c'est son interro. Bah, attends. Et on peut jouer, nous, ou pas? Quoi? Non, c'est Jason. Non, c'est Jason. Oh. Et Rolo. Oh là, je suis ravi. Hein? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Oh, j'ai une pêche, les gars. Alors c'est quoi la réponse? C'est le Brésil, ils ont gagné 5 fois. Ah ouais, c'est eux les champions du champion de tous les champions. Bon, je vais essayer de redonner un peu de flamme à notre ami. Voilà. Combien de pattes les araignées ont-elles? Combien de pattes? Ouais, c'est facile. Même moi je sais pas, t'as pas de proposition. Alors, entre 6, 7 ou 8? 8. Bravo. Le mec est réveillé, super. 8 pattes, bah bon. Ouais. Combien de provinces y a-t-il en Belgique? Et c'est quoi ces questions? Bah, c'est facile. Mais mec, combien de provinces y a-t-il en Belgique générale. C'est tout? 4. Mais non. Mais non. Jason, une idée? 5. Non, attends, je vais te donner des propositions. 8, 10 ou 12? Oh, j'ai une pêche, les gars. Pardon? 12. Non, c'était 12. C'était 10. Je vais pas toutes les énumérer, mais il y en a 10. Croyez-moi. Quelle est la racine carrée de 36? Ouais, donne des propositions, Serge. Ouais, c'est ça. 5, 6 ou 7? Oh, j'ai une pêche, les gars. Et la réponse est 6. Bravo, Jason. Jason, c'est gagné. Ouais, allez. Une compile, bon. Tiens. Voilà. Allez, bonne journée, Jason. On a gagné une compile, Jason. Bisous, Jason. À bientôt, mec. Ouais. Salut. Bah, attention, pas trop de pêche non plus, quand même. Pas forcé. Bah, c'est Tiran. Walking down 29th and Park. I saw you in another's arm. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as white as ours. Yeah, you look happier. You do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody love you like I do. guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile, hide the truth. I know I was happier. Happier you do. I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. Je peux rentrer, GG, c'est bon, pas la peine de klaxonner. Dans un petit instant, c'est Tanguy qui vous accompagne pour la playlist partagée. Vous pouvez faire la vote d'ailleurs, allez la faire sur energie.be. C'est qui ce matin? Aline Kohler. Aline? Ouais, elle s'appelle Aline Kohler. Kohler? Ouais. C'est son nom de famille? Bah, je suppose, elle a mis Aline Kohler. Bah, écoute, sympa de tout balancer. Merci à toi. Son numéro de téléphone. Elle fait sa playlist dans un instant. Vous pouvez faire la vôtre, énergie.be. On vous la diffuse tous les jours entre 9h et 10h et entre 20 et 21h sur Énergie. Avant de se quitter, on vous offre quand même du beau cadeau cette semaine. On vous rappelle l'iPhone XR pour chez vous à la maison. C'est parti. Arrêtez tes klaxons. Oh, j'adore tes klaxons. On appelle maintenant chez vous. Et on vous offre du beau cadeau ce matin. Et en plus, une invitation pour vendredi. Et vendredi, ouais, vous viendrez ici chercher, puisque Orange vous amènera le téléphone, le GSM dans vos mains vendredi. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. C'est comment ton prénom? Marine. Marine. Oh, Marine, c'est Marine. Oh, Marine. Si tu savais. Marine, un nouveau GSM pour toi. L'iPhone XR, c'est gagné. Eh oui, Marine, bravo! L'iPhone XR pour chez toi! Alors, heureuse! Eh bon, avec grand plaisir, Marine, ça nous fait plaisir de te faire plaisir. Ah, oh, c'est génial, merci. Ouais, du coup, tu seras avec nous vendredi dans l'émission, puisque Orange va venir te la porter vendredi, tu l'auras dans tes mains vendredi, tout neuf. Okay. Voilà. Ah, mais il y a même pas, je vais essayer, ah, ouais, tu dois venir, hein, j'ai envie de te dire, sinon tu l'as pas. Hein. Sinon, c'est un 3310, donc voilà. Oui, oui. Bon, on va s'arranger, on va s'organiser. Tu n'as pas le choix. Ouais. On te fait des bisous, Marine. Une belle journée. Merci à toi. Merci, moi aussi, bisous. À bientôt. Bisous. Et si vous aussi voulez tenter votre chance comme Marine de repartir avec votre iPhone XR, rendez-vous demain et pouvez vous inscrire maintenant. Vous envoyez phone par SMS au 60018. C'est 1€ le message envoyé et reçu. Phone au 78. Peut-être que demain on vous appellera aux alentours de 9h pour vous offrir donc votre iPhone XR. On vous souhaite une excellente journée. Une nouvelle semaine qu'on a démarré ensemble. On est de retour demain dès 6h sur Énergie. Dans la bonne humeur. Avec du soleil. Avant les vacances, eh oui. Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci sur l'énergie. C'est une excellente journée sur Énergie, que tout se passe bien au bureau. Au bureau. À l'école, courage! C'est la dernière avant les congés de la Toussaint. Toussaint! Bisous tout le monde, bisous Aurélie de la Rédac! Bisous! Bisous Tiffany! Bisous, bisous! Bisous, moi chérie! Bisous! Eh, gros bench à mon Frisco! Eh, bisous mon poulet! Bisous Marco! Il a bien un t-shirt, c'est Bench de Wallon Kiss! Ouais! Et à demain! À demain! Le 6-9 revient. Demain, dès 6h. Dès 6h sur Énergie. Oh, petite question que je me pose comme ça, mais pourquoi le week-end n'a que 2 jours? Oh là là, je serais bien resté dans mon lit, moi. Ah, vous aussi? Ah, on se comprend, hein. On est lundi, courage à vous, on se motive.